Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 15e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et beaucoup de choses à voir pour cette émission. On va commencer par la présentation un petit peu de tout le monde qui a ce podcast, à commencer par Sébastien. Salut Seb. Salut Sei. Ça roule ? Ben, très bien, et toi ? Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Ensuite, nous avons Laurent. Salut Laurent. Salut Sei. Salut, salut. Et on a deux invités surprises, un petit peu mystérieux. C'est Maxime et Thomas. Salut Maxime, salut Thomas. Salut à tous. Salut tout le monde. Merci beaucoup de nous recevoir ce soir. Ça roule ? Super, super. Bon, donc n'hésitez pas à intervenir pour le début de l'émission. On va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec pas mal d'infos, de nouvelles infos officielles de la part de Marc Cerny à propos de la PlayStation 5. Laurent, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors bon, bah, déjà pour ceux qui nous suivent, ils sont déjà, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle de la PlayStation 5. Dès qu'il y en a une nouvelle rumeur, bien souvent on en parle sur le site. Suite à ça, on avait fait une fausse PlayStation 5 en concept design tout en 3D avec un trailer qui a fait le tour du monde. C'est rigolo parce que le 15, on a fait un dernier article qui regroupait les dernières rumeurs, et donc le 16, le lendemain, c'est carrément Marc Cerny en personne, donc l'architecte de la PS4 et de la PS5, qui a pris la parole dans le magazine Wired et qui a donné de bonnes informations. Alors déjà au niveau du concept même de la PlayStation 5, il parle carrément de modifications fondamentales pour les joueurs. Alors il a dit clairement, la question clé est de savoir si la console ajoute une couche supplémentaire au type d'expérience auquel vous avez déjà accès, ou si elle va permettre des changements fondamentaux dans ce que peut être un jeu. Donc on est bien là dans une nouvelle génération, on n'est pas dans une mise à jour comme a pu l'être la PS4 Pro par rapport à la PS4. Il va y avoir de nouvelles choses sur cette console et il a donné quelques détails. Donc là, à partir de là, tout ce qu'on annonce, c'est annoncé, c'est totalement officiel. C'est officiel, voilà. Donc il faut bien insister là-dessus aussi, le fait que ce soit officiel, c'est quand même Marc Cerny qui a donné ça. Ce n'est plus du tout de la rumeur. Exactement, voilà. Alors déjà, au niveau de l'image, je les prends un petit peu en vrac, hein. Au niveau de l'image, la PlayStation 5 sera capable d'upscaler des images 4K en 8K. On avait déjà ça sur PS4, sur certains jeux, et sur PS3. Donc c'est un logiciel, hein, qui va artificiellement rajouter des pixels pour agrandir la taille de l'image. C'est pour ça que quand on parlait souvent sur certains jeux sur PS4, on disait que c'était de la fausse 4K, parce que le jeu qui était à la base dans un format inférieur à de la 4K était artificiellement modifié pour arriver sur une taille d'image 4K. Et ben là, ce sera la même chose. Donc la console serait capable de passer en 8K. Alors ce petit chiffre 8K, il est intéressant, c'est une parenthèse, mais il faut savoir que les prochains Jeux Olympiques qui seront, je crois, au Japon, non, c'est ça ? Je dis des bêtises, ouais, ou quoi ? Ouais, c'est ça. Seront filmés en 8K. Donc on est déjà en train de partir. Dans le turfu, quoi. Voilà. Donc ensuite, il a précisé que la console ne sera pas commercialisée en 2019. Alors ça, on s'y attendait un petit peu. De toute façon, c'était même pas possible. On n'annonce pas une console et on la commercialise pas 2 mois après. En général, en règle générale, avec les anciennes consoles de la PS1, PS2, PS3, PS4, elles sont annoncées environ un an avant leur commercialisation. Donc là, le fait qu'officiellement commence à en parler, on peut s'attendre clairement à une sortie en 2020. Plutôt en fin d'année, alors ça, c'est dû au processeur Navi, le GPU qui intégrera la console. Ouais. C'est la carte graphique. Enfin, une console n'a pas de carte graphique, mais c'est une partie du processeur qui a le rôle d'une carte graphique. Qui est dédiée. AMD devrait sortir le Navi. Donc ils ont annoncé qu'il serait éventuellement annoncé en août. Donc ce qui laisserait la possibilité de l'annoncer à la Gamescom. Ça tomberait bien parce que la Gamescom, eh ben, il y aura certainement Sony aussi. Donc ce serait plus pour une annonce plutôt fin d'année. Et donc eh ben, on pourrait estimer une commercialisation plutôt fin 2020. Plutôt. Par exemple, je crois que c'est la PS3 qui avait été commercialisée en mars, et toutes les autres consoles ont été commercialisées en novembre. Donc, si le processeur n'est pas prêt, la date de novembre 2020, c'est de plus c'est en pas plus déconnant. Probable. C'est de plus en plus probable. Ouais. D'accord. Et comme ça, ils pourront bénéficier de Noël et des fêtes. Donc, Exactement, voilà. Je pense qu'on va passer un très très joyeux Noël justement avec cette nouvelle console, parce qu'il y a pas mal de petits détails aussi qui ont été évoqués, notamment un truc qui nous intéresse beaucoup, je sais pas si tu vas venir directement dessus, la rétro-compatibilité du PSVR première génération. J'ai entendu parler de ça. Ça c'est clair, il a dit clairement, mot pour mot, la console sera rétro-compatible avec les jeux PS4. Il n'a pas précisé PS3, PS2, PS1, malgré les brevets qui ont été déposés dans ce sens. Ah, c'est plus compliqué, quoi. C'est de l'émulation derrière. Alors que là, au niveau processeur, la PS4 et la PS5, c'est des sœurs. Elles ont la même architecture, donc ça ne pose aucun problème pour de la rétrocompatibilité. Mais il a également précisé rétrocompatible avec les jeux PS4, donc les jeux PSVR, parce que ça reste des jeux PS4, et surtout compatible avec le PlayStation VR. Donc ça, c'est bon. C'est la grosse annonce pour nous. Putain de bonne nouvelle, franchement, l'attendait. Et ça permet de ne pas mettre sur le bas-côté tous les gens qui l'ont acheté il n'y a pas longtemps, genre à Noël par exemple, et de ne pas rendre le premier casque obsolète au bout de 2 ans d'utilisation, de 3 ans d'utilisation. Donc c'est vraiment une super bonne nouvelle, ça. Ouais. Et puis c'est surtout une énorme bonne nouvelle et pour les acheteurs de PlayStation, mais aussi pour les possesseurs de PlayStation VR. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, nos jeux PlayStation VR étaient, on va dire, bridés par la PS4. Parce que finalement, un PlayStation VR, c'est quoi ? C'est juste un écran. C'est un écran. On va dire c'est un écran avec un système de tracking, avec des gyroscopes pour indiquer notre position. Mais globalement, c'est un écran OLED 1080p. De bonne qualité. De bonne qualité. Et c'est sûr que si on s'amuse à regarder un jeu génial sur un téléviseur 4K, un jeu génial sur un téléviseur Full HD, et un jeu génial sur un tout petit écran de smartphone, le jeu il reste génial. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, avec une PS5 derrière, admettons que le PSVR soit compatible avec les jeux PS5, ce qui veut dire on pourra faire tourner avec notre PSVR des jeux PS5, donc des jeux qui seront magnifiques même avec un 1080p. Ce qui est important de retenir, c'est que il n'y a pas que la résolution dans un casque qui est importante, le plus important ça reste la machine qui va calculer les images. Et donc, c'est une super nouvelle parce que ceux qui achètent aujourd'hui, alors déjà le prix du PSVR qui a vraiment baissé par rapport à son lancement, ceux qui prennent un PSVR aujourd'hui, ils savent qu'ils ont quelque chose qui va tenir sur la durée, quoi. Et je pense que c'est aussi un signal fort de la part de Sony de vouloir conserver tout ce qui est PlayStation VR, parce que ça montre que cette technologie n'est pas obsolète et qui veulent la garder dans le temps et l'améliorer. Qu'ils y croient, c'est ça. Ils y croient, ils la soutiennent. Puis ils y croient. Ils y croient complètement. Et il l'a même dit d'ailleurs. Il a dit je ne vais pas entrer dans les détails de notre stratégie de réalité virtuelle aujourd'hui, à part dire que la réalité virtuelle est très importante pour nous et que le micro-casque PSVR actuel est compatible avec la nouvelle console. Donc, c'est vraiment un signal très fort pour dire que déjà au State of Play la dernière fois où il y avait énormément de jeux PlayStation VR qui étaient annoncés, c'est un signal plus que fort pour dire non, Sony, non, on y croit à la VR et on y restera, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que c'était un rêve un petit peu pour nous justement d'avoir cette rétro-compatibilité, on en avait parlé en plus déjà en podcast, et ça commence à vraiment se concrétiser. Thomas, t'en penses quoi, toi? Tu joues un petit peu d'ailleurs? Alors j'ai testé ça sur Play 3 quand est sorti le casque. J'ai fait, je crois qu'il y avait une petite démo Resident Evil, je crois, on était assis sur une chaise. Et il y avait un espèce de, je crois que c'était un esprit, ou je sais plus c'était trop. C'était Kitchen. Kitchen. Oui, exactement, c'était ça. J'avais testé ça, c'était vraiment immersif, ça faisait vraiment peur pour le coup. Ça faisait le taf. Ça faisait le taf, ouais. Et puis deux, trois jeux du style Gran Turismo ou un autre, on était en buggy. Ouais. Et alors c'est vrai qu'après 15-20 minutes, j'avais presque la gerbe, quoi. Ouais, Faut pas habitué. s'y habituer, hein. C'est vraiment un truc. Ouais, Ouais. carrément. Mais c'est différent, Ah, c'est une vrai. immersion de malade, quoi. Donc, c'est Maxime qui intervient. Mais moi, de mon côté, enfin, moi, j'ai des amis qui ont fait un jeu en VR, et la première fois que j'ai vraiment testé la VR, c'était avec l'Oculus Rift. Et au bout de 10-15 minutes, j'avais aussi cette sensation un peu d'être un peu perdu, en fait. Parce que D'accord. tu te mets dans un nouveau monde et tu perds un peu tes sensations d'être humain lambda. Ce qui fait que quand tu ressors, bah là, tu t'es un peu déséquilibré, mais tu te sens un peu déséquilibré ou tu as un peu de mal à te repérer le temps de quelques secondes. Mais après, à force que tu répètes, je pense que tu t'habitues, donc faut s'habituer. Comme toute nouvelle technologie, je pense qu'on s'adapte. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je dirais ce sujet que la VR est encore méconnue. Il y a toute une façon de vendre de la VR. Et les premiers temps, quand ils ont lancé ce casque, moi, il y a un truc que je reparle tout le temps parce que ça m'avait énormément choqué. C'était à la Paris Games Week en 2017, Ouais. Où déjà tous les jeux tournaient sur PlayStation 4, alors qu'ils pouvaient mettre des PlayStation 4 Pro. Et puis surtout, bah les gens faisaient la queue, ils prenaient un ticket pour aller essayer pour la première fois de leur vie un PlayStation VR ou un casque VR, c'est la même chose. Et on les envoyait directement dans des jeux comme Ace Combat 7 ou des choses comme ça. Et en fait, tu ne savais pas sur quel jeu tu allais finir, parce que tu faisais la queue et puis ils disaient, il y a une place là, vous essayez celui-là. Donc le petit qui venait avec sa maman ou même le jeune qui avait 15-16 ans qui se disait putain ça me botte la VR, eh ben, quelqu'un qui n'a jamais fait de VR, qui s'amuse à faire des loopings dans un avion de chasse, au bout de 10 minutes il ressortait, il était vert, quoi. C'est ça, c'est un peu le risque. Donc tout ça pour dire que la réalité virtuelle, c'est souvent, si on a l'occasion de l'essayer dans une Fnac ou dans un magasin quelconque, et ben souvent les vendeurs, ils ont pas cet apprentissage de prendre la bonne expérience pour vraiment essayer la première fois. Déjà, à partir du moment où tu as des mouvements complets du corps et des déplacements dans un jeu, si t'es pas habitué, ça va te. Au début, ça peut perturber. Ouais, c'est Par ça. contre, il y a des tonnes de jeux où on est figé. Je pense à pas mal de shooters ou de choses comme ça, où là, on sera pas du tout malade. Et c'est par ces expériences-là qu'il faut faire découvrir la VR plutôt que de se lancer directement dans des choses de dingue ou Ouais, même dans du complètement. Farpoint, hein, où on va courir avec. Et ben forcément, ça va être déstabilisant. D'ailleurs, à C'est nos sûr. auditeurs, enfin moi, l'année dernière, j'avais fait le salon de la VR. J'étais pas tellement habitué à tout cet univers, à tout cet univers-là, et ça m'a permis de découvrir un peu plus en profondeur. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais vraiment testé, je leur recommande d'aller à ce genre d'événement, histoire de discuter avec des professionnels du milieu pour comprendre la technologie. Enfin, moi, je sais de mon côté, il faut que je comprenne la technologie pour pouvoir bien m'en servir, et ça m'avait pas mal aidé. C'est à partir de ce moment-là où mon engouement a commencé à s'étendre. D'accord. Et surtout l'essayer, parce Et que surtout c'est pas en essayer. regardant une vidéo YouTube qu'on se rend compte de ce que c'est en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Sébastien, tu nous as pas dit ce que tu pensais un petit peu de ces annonces croustillantes. Bon, je pense que t'es joie, ça, un peu comme tout le monde, hein. Ah bah, je crois que tu as utilisé le bon mot, croustillant, ouais, complètement. Ça vend du rêve et toutes ces nouvelles technologies qui seront incluses comme les traitements, je sais plus le nom exact, mais Ray le nouveau tracing. traitement des lumières, ouais voilà, tout à fait. Genre ray tracing, Ça ouais. va pas jouer que sur la lumière du soleil, quoi, ça joue sur tout, parce que les reflets, t'en as un peu partout, quoi, Ah, dans un environnement extérieur. c'est un truc de dingue. Ça, c'est Ouais. une technologie en lancée de rayon qui va faire qu'un rayon de lumière, quand il tape sur un objet, cet objet va forcément renvoyer cette lumière sur un autre objet. Ou sur un autre. Et c'est ce qui fait que les images sont réalistes. C'est quelque chose qui est utilisé depuis des décennies dans la 3D. Au cinéma, sur tous les effets spéciaux qu'on voit, c'est ce qui fait qu'une image est autant réaliste au cinéma. Ouais, Et maintenant, ben, la puissance est suffisante pour l'avoir en temps réel dans des jeux vidéo. Donc on va avoir des jeux qui seront photoréalistes. Ça reste un petit peu expérimental comme truc là, et je pense que c'est une technologie qui va être amenée à se développer aussi dans quelques années, qui va pas forcément être visible en tout cas dans les jeux à venir, parce que bon, selon moi, hein, cette nouvelle techno, pour le moment, c'est un peu de la branlette, hein, excusez-moi du terme, mais bon, c'est... Comment tu parles ? Non, mais c'est vrai, attends. Les reflets, par exemple, tu vas voir sur une bagnole, par exemple, dans un jeu de voiture, les reflets, ils sont déjà suffisamment réaliste pour mais ce qu'on essaie de te dire, c'est que ça ne limite pas au reflet, justement. c'est pas le retracing. Le retracing, c'est que la réverbération de la lumière sur une surface. Ouais, c'est une technique de rendu en temps réel. Donc c'est le processeur qui va rendre ça. C'est pas quelque chose qui va être rajouté. En fait, le développeur, il va juste cliquer sur un bouton pour lancer le rendu en retracing. Ouais. C'est ce qui va faire que ton image va être hyper réaliste. Je sais pas si vous avez vu le dernier Astérix, par exemple. Pas encore. Le dernier Astérix, ça reste un dessin animé. Ça reste très coloré comme on a l'habitude de voir et tout. Par contre, c'est tout du retracing sur l'ensemble. Forcément, maintenant, il n'y a que de ça. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que quand on regarde le dessin animé, on dit visuellement, il est vraiment joli parce qu'il y a des effets de lumière, des dégradés de partout. On l'a pas du tout à l'heure actuelle sur les jeux actuels sur PS4. Quand t'es en monde ouvert, je sais pas, t'es un endroit en extérieur, la lumière elle est partout, donc elle va jouer sur toutes les textures, et c'est pas juste un petit reflet du soleil et le machin, non, et du coup ça va vraiment changer toute la donne et accentuer ce côté photoréaliste. Ça change toute l'image, le rendu va passer du jeu vidéo à une photo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le SSD qui a été annoncé. Oui. En termes de chargement et aussi dans les jeux, parce que tout ce qui va pouvoir charger en arrière-plan et tout ça, on va pouvoir avoir des jeux encore plus avec des détails de malade. Enfin. Alors là aussi, il y a SSD et SSD. Ouais. Donc Max Cerny, il a précisé que c'était un SSD qui a été spécialement conçu pour la PlayStation 5. Et d'ailleurs, il s'est amusé sur du déplacement rapide sur Spider-Man d'Insomniac Games avec une PlayStation 4 Pro. Donc il a fait un déplacement rapide sur le jeu, ça lui a pris 15 secondes. Et puis après, il a lancé le dev kit de la PS5, ça lui a pris 0,8 secondes. Ce qui va être quand même un confort supplémentaire pour les accès disques, pour aller chercher les données d'un jeu. Quoi. Et peut-être au moins que le PSN arrêtera de ramer grâce au SSD. C'est autre chose. Je pense que c'est des serveurs. Laisse-moi rêver. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Ce qu'elle a dans le ventre aussi, il faut en parler. Ouais. Ça sera un processeur de 3e génération Ryzen AMD. Hein, donc AMD, c'est les mêmes qui avaient fait l'APU de la PS4. Donc ce sera un processeur Zen 2. On le savait vaguement, hein, parce qu'il y avait de nombreuses rumeurs. Alors il y a rumeurs jeux vidéo, et puis il y a surtout, enfin moi ce que je regarde beaucoup, c'est tout ce qui est rumeurs en bourse et du côté des semi-conducteurs. Et quand il y a les mêmes rumeurs, surtout en bourse et sur les entreprises de semi-conducteurs, c'est qu'en général on va taper juste. Donc le processeur Zen 2 gravé en 7 nanomètres, à savoir la première PS4 était gravée en 28 nanomètres. C'est le plus important. Bien souvent, on fait l'erreur de parler de fréquence de processeur ou de choses comme comment ça. Comment ça marche ? C'est pas ça qui va faire la puissance de la console. C'est pas la fréquence. Ce qui va faire, parce que deux processeurs avec la même fréquence, mais s'ils sont plus ou moins récents, il y en a un qui va tourner 15 fois plus vite que l'autre. Il faut pas s'arrêter à ça. Par contre, la gravure, ça c'est important parce que du coup, ça veut dire que dans le même centimètre carré, on va pouvoir y mettre 4 fois plus de données que de composants de transistors qu'une PS4. Donc potentiellement 4 fois plus puissante qu'une PS4 et ce sera bien plus parce que derrière après il y a d'autres choses, c'est là qu'interviennent après la fréquence du processeur et tout ça. Donc là en estimation, donc là par contre c'est pas Marc Cerny qui le dit, je suis allé faire un tour au niveau des processeurs, des cartes Vega pour voir un petit peu ce que ça avait dans le bide. Là pour moi on va taper sur une console qui sera entre 12 et 14 teraflops. Voilà. Alors, l'APU est composé à peu près. C'est pas la moitié, c'est pas moitié. Je crois qu'il y a 60% c'est le GPU et 30% c'est le processeur, le CPU. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, au niveau du GPU, donc de la puce graphique, ce sera la puce Navi d'AMD. Radeon, qui est une version moyenne de gamme au niveau des puces, mais elle a été conçue spécialement et pour la prochaine Xbox et pour la PS5, parce que la prochaine Xbox devrait être aussi équipée de cette même puce. Donc au niveau puissance, ça va se tenir, ça va pas être les deux consoles vont avoir à peu près les mêmes caractéristiques. Rétrocompatibilité, on l'a vu. Et maintenant, il reste ce qu'on ne sait pas encore. Alors moi, c'était la question que je me posais, c'est savoir combien de mémoire on va avoir là-dedans. Au départ, moi, en estimation, j'étais parti sur 16 gigas en DDR6. Il y a eu des rumeurs récemment, puis notamment de quelqu'un qui vient de Taïwan, et à savoir que cette puce sera fabriquée là-bas, qui a parlé de 24 gigas de RAM. En DDR6, et il a même dit qu'il travaillait en ce moment sur des dev kits de 32 gigas, donc c'est énorme, c'est impossible, 32 gigas, c'est pas possible, mais 24 déjà je trouve ça gros, mais bon, déjà tu vois, tu m'aurais parlé du SSD il y a 3 jours, je t'aurais dit non, c'est trop cher. Donc, ça a bien baissé les SSD justement au niveau des prix sur le matos informatique déjà. Donc, dans le commerce en tout cas. Oui. Je l'aurais pas vu sur une console à entre 4 et 500 euros. J'aurais dit, putain, un SSD. Même si le SSD coûte 50 euros. Et puis ça va certainement être SSD pour le système et un disque dur peut-être plus classique, voire même avec la même vélocité que les consoles PS4 qu'on a maintenant. C'est du 5400 tours minute. De pouces et demi que tu pourras justement peut-être aussi changer. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on voit depuis la PS3, les disques durs, pour les data en tout cas, peuvent être changés très facilement, très rapidement. Et c'est un petit plus marketing aussi pour Sony. Il n'y a pas besoin de mettre un disque dur externe ou quoi que ce soit, il suffit juste de changer le disque dur interne. Je sais pas s'ils vont changer ça, peut-être mettre un T'as tout à fait raison de préciser ça, parce que c'est la première question que tu te poses. C'est bien joli d'annoncer un SSD. Tu peux avoir un SSD de 250 gigas. Voilà. Donc si c'est juste un SSD intégré à la console pour faire tourner le système et que derrière t'as un 2 Tera classique pour stocker tes jeux. Pourquoi ? Mais ça, non, tu peux pas faire ça parce que du coup, c'est là la question. C'est, ils vont nous mettre un SSD de 500 gigas. Derrière, il va falloir acheter des SSD plus gros. Faut voir comment. C'est bien. Dans tous les cas, c'est bien. En tout cas, beaucoup d'infos, mais c'est vrai qu'il reste encore pas mal de zones troubles, notamment un truc aussi qui va intéresser quand même pas mal les joueurs. Principal argument, ça va être le prix. Voilà. On ne sait pas. Tout ce qu'a dit Marc Cerny, il a dit. Alors, ça vaudra le prix que ça... Non, justement, parce que le lendemain, donc aujourd'hui, la personne qui a écrit l'article sur... Donc, c'était wired.com, a été harcelée, en fait, de questions. Et du coup, il a repris la parole sur Twitter et il a dit qu'il lui avait posé la question à Marc Cerny au niveau du prix. Donc là, Marc Cerny a pas voulu répondre. Il a dit ce sera un prix. Il a dit ce sera un prix raisonnable par rapport à ce qu'elle va proposer. Donc là, après, il a insisté. Il lui a dit est-ce que ce sera un prix ce sera plus cher, mais ça vaudra le coup. C'est ça que vous voulez dire? Et là, il a sous-entendu, en gros, oui. Mais c'était, il a rajouté, je ne veux rien dire pour l'instant. Donc, il ne faut pas s'attendre à une console à 399 euros avec un SSD intégré. D'autre part, il ne faut pas non plus s'attendre à une console à 600 euros comme l'a été la PS3 et le gros problème de lancement qu'il y a eu dû à son prix. On va tabler clairement sur 499. On en a déjà parlé depuis le 8 octobre 2018 et on en avait parlé aussi au mois de janvier dans un article où on tablait sur 499. Ça paraît le prix le plus raisonnable. Et en plus, sur les dernières rumeurs qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, donc sur le dernier article avant l'annonce officielle, la personne qui était apparemment informée, qui a discuté, je ne sais plus sur quel forum, et qui disait que le prix serait de 499 €. Et il disait que ces informations étaient sûres à 99% en plus. Donc voilà. Maintenant, à voir comment, ça reste à voir des rumeurs. Ça reste des rumeurs. Comment ça va être pris justement par la communauté. Ça va dépendre aussi, je pense, beaucoup des annonces d'Xbox. Parce qu'on sait qu'avec leur annonce pour la génération actuelle d'Xbox, quand ils ont dit que leur console allait être à 500 €, que la PS4 allait être à 400 €, et que la Xbox allait avoir des perfs un petit peu moins bonnes, ça les a un petit peu tués dans l'œuf. On a des infos un petit peu sur la Xbox d'ailleurs, la prochaine ? On n'a pas grand-chose sur la Xbox, mis à part qu'au niveau des composants, c'est toujours AMD qui va s'occuper de Xbox comme de la PS5. On aura toujours apparemment le CPU Navi et certainement l'architecture Zen 2 également. Donc ça va être quand même sensiblement... Après, par contre, c'est des processeurs qui sont développés en partenariat entre AMD et Microsoft et AMD et Sony. Donc après, ils vont les personnaliser. Ils peuvent changer les fréquences, les fréquences de processeurs. Je crois qu'il peut aller de 1,5 à 3,2 GHz. Enfin, je ne vous dis pas après le système de refroidissement, mais bon. Ce qui peut par contre rendre possible une PS5 Pro plus tard, juste en augmentant la fréquence du processeur. Donc on le voit cloquant. Voilà, c'est là où il va y avoir derrière le marketing qui va être mis en route en fonction du choix qu'ils auront fait de fréquences de processeurs et des particularités qui leur seront propres à chacun. Ben c'est là qu'il y aura des petites différences entre les deux consoles. Mais pour l'instant, j'imagine qu'ils vont s'aligner à peu près sur la même gamme, non? Quand même. Ça se joue à pas grand chose en général, et puis les joueurs sont très regardants sur les petits détails, tu sais, au niveau technique. Il suffit qu'il y ait un truc avec une fréquence un petit peu moindre, tout de suite les conclusions sont prises très très rapidement, même si c'est une console avec un système qui est mieux optimisé. Ça pardonne pas en général au niveau de la communication. Tu boostes un tout petit peu la fréquence, t'as vite fait de prendre un teraflop. Personne n'y verra la différence entre deux jeux parce qu'il y aura un teraflop d'écart entre les deux consoles. Mais alors par contre niveau marketing, alors là c'est un argument marketing après, parce qu'au final ils font tourner les mêmes jeux et ils le font bien, quoi, au final. Bah, c'est ça, en règle générale ça tourne bien sur les deux consoles. Alors sur la PS4 Pro face à la One X, il faut bien dire la réalité, la One X c'est vraiment plus performant. Elle l'enterre. Par contre, sur la prochaine génération, ça devrait se tenir, mais on peut avoir des surprises. Parce qu'il y en a peut-être un qui va faire le choix, justement, d'un processeur un petit peu moins violent, une fréquence un peu plus basse, pour avoir un meilleur refroidissement. Et du coup, la console sera totalement silencieuse par rapport à une autre qui fera un bruit d'avion de chasse, mais qui sera beaucoup plus puissante. Et un meilleur prix, Donc, c'est vrai que le confort sonore, en fait, d'avoir une console on n'a pas l'impression qu'elle décolle à chaque fois qu'on l'allume, qu'un jeu un petit peu gourmand, voilà, ça peut aussi jouer dans la balance. Ça peut être une critique qui devient pesante par la suite. J'ai la première génération de Play 4 et je fais tourner n'importe quel jeu. J'ai l'impression d'avoir un F16 dans l'appart, quoi. M'en parle pas. C'est ça. Dreams sur PS4 Pro, je mets le casque audio. Parce que je mets souvent ma main dessus pour être sûr qu'elle n'est pas en train de fondre, en fait. Et on avait parlé de puissance, donc potentiellement ça s'établirait en 12 et 14 teraflops, c'est bien ça? Ça devrait être là, c'est pareil, la puissance pour l'instant on n'en sait rien du tout. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est on peut comparer les informations du Navi avec d'autres processeurs AMD, avec d'autres, parce qu'ils ont aussi des APU réservés à d'autres clients, et là on peut comparer sur les grilles, voir un petit peu les puissances qu'ils ont, et ça va taper au minimum, ça va taper sur deux fois une Xbox One X. Mais il y a des rumeurs qui commencent à parler de 14 teraflops. Ok, et donc l'écart entre la PS3, PS4 et du coup potentiellement la PS5, c'est chaque année ça double, ça triple. En général, c'est x7. x7. En général. Alors, c'est x7 depuis peu, hein, parce que quand on était à l'époque de la PS1 à la PS2, c'était x20, x40. x40. Là, aujourd'hui, entre la PS3 et PS4, je crois qu'on était x7 ou x8. Et là, ce sera à peu près le même écart entre la PS4 et la PS5. La PS4, elle était à 1,8 teraflop. La PS4 Pro, elle est à 4,2 teraflop. Donc là, on aurait dit 10 teraflops de plus. Ok. Et ça suivrait pas une sorte de loi de Moore ou quelque chose comme ça? Non, pas vraiment. Enfin, disons que cette loi de Moore, elle était vraie dans les années 70 quand il l'a balancée. Ouais. Sauf que maintenant, il y a d'autres problèmes. Des problèmes quantiques, oui. C'est ça, c'est des problèmes de refroidissement, des problèmes des choses comme ça qui font qu'elle n'est plus réelle, en fait, cette loi. Mais il me semble, moi j'avais lu comme quoi on ne pouvait pas descendre en dessous de 7 nanomètres, parce que justement, après, les électrons changeaient de couche, ça posait des problèmes. Problème d'effet tunnel ou quelque chose comme ça. Je l'ai entendu aussi, mais alors mon frère travaille justement dans les semi-composants. Et donc c'est drôle parce que dans ce genre de technologie, ce qui est certain n'est pas forcément sûr 5 ans plus tard, parce qu'il trouve toujours des choses pour passer outre, quoi. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de la loi de Moore, c'est qu'il y a un moment où ils ont dit non, finalement on n'arrivera pas à doubler dans les 2 ans comme d'habitude. Ouais, et puis finalement il y a quelqu'un qui invente un nouveau système de refroidissement et puis ils y arrivent. Donc, mais c'est vrai, 7 nanomètres, mais je suis convaincu que dans 3, 4 ans ou 5 ans, on sera en dessous. C'est sûr. Oui, il y a de grandes chances. On trouvera toujours. Il y a de l'ingénierie dedans qui est assez remarquable. C'est ça. Ce qui est drôle, par contre, toujours sur cette console, c'est que Marc Cerny a pris la parole le 16 avril. Comme par hasard, le lendemain, il y avait l'Inside Inbox le 17 avril. Donc, c'est pas du tout anodin d'avoir parlé à un journaliste. Je ne pense pas. Donc c'est plus comme ça, il savait que ça allait faire un boucan pas possible sur la toile, et comme ça, ça minimise les retombées de box. Voilà, qui c'est devait. Et puis ça met en évidence une deuxième chose, c'est que pour la première fois depuis 1995, Sony ne seront pas à l'E3. Et que finalement, ils nous montrent bien qu'ils peuvent communiquer à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. En fait, ils n'ont même pas besoin d'un événement, ils n'ont même pas besoin d'un State of Play. S'ils ont envie de lancer des annonces, ils vont voir le journaliste du coin, ils en parlent, ils savent que ça va faire le tour de la planète. Ah, attends, tu disais qu'ils ne vont pas être au prochain E3, c'est ça? Non, ils ne seront pas au prochain E3 pour la première fois depuis 1995. Ah d'accord, j'étais pas au courant de ça. Pourquoi? Officiellement, c'est parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Forcément, on est en fin de génération sur la PS4. Ouais, ça s'essouffle un peu, ouais. Officieusement, certainement que déjà ça coûte très cher, mais c'est pas forcément le prix qui va les déranger. Par contre, on est quand même sur une année d'annonce de la PS5. Et si on se rappelle l'E3 de 2013, le fait que Sony communique après les conférences de Microsoft, ça leur avait quand même donné un petit avantage. Ils avaient pu rechanger, on savait pas exactement ce qui était prévu pour la PS4, mais en fonction de l'accueil qu'avait eu la Xbox One en 2013, qui n'avait pas reçu un bon accueil, et ils ont pu derrière modifier l'affiche, et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils ont gagné non seulement l'E3, mais ils ont gagné 7 générations de consoles. Ce qui a poussé maintenant, on est arrivé à plus de presque 100 millions de consoles vendues, 100 millions de PS4, il y en a un peu moins, 95 millions. Et forcément, en Xbox, on est beaucoup moins, on doit être à 36 peut-être, 35, je ne connais pas exactement les chiffres de vente. Mais c'est une partie d'échec. Donc le fait qu'ils ne soient pas présents à l'E3, c'est pas... Et d'une part, parce qu'ils n'avaient pas forcément grand-chose à dire, et d'autre part, ils vont peut-être justement se servir de cette année où ils ne seront pas à l'E3 pour bien lancer la PS5 au moment... pour tenir leur communication et savoir quand la balancer, surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je ne me fais pas de soucis pour eux, j'imagine qu'ils savent ce qu'ils font. On s'en fait pas trop non plus. On s'en fait pas trop. Ils marchent un peu sur l'eau en ce moment. Faut pas non plus qu'ils se laissent un petit peu trop porter par une certaine stabilité. Et puis le fait qu'ils dominent un peu le marché, faut faire attention. On sait très bien comment Sony réagit dans ces cas-là. C'est à ce moment-là justement qu'ils ont tendance à faire de la merde, donc ils m'ont l'air quand même pour le moment assez prudents, même si ces annonces officielles, en tout cas données en amont, laissent à penser en tout cas que Microsoft, ils sont totalement au courant de l'évolution technologique de la PS5, quoi. De toute façon, ils bossent avec AMD, l'espionnage industriel, il existe quoi qu'il arrive, hein, donc... Ils sont au courant, mais c'est intéressant parce que Sony, ça a toujours été... C'est souvent qu'on parle de Sony comme la force tranquille. Ils attendent, ils disent, ils bougent pas, et on va pas les entendre pendant un moment, et quand ils vont taper fort. Donc le 17 avril, Xbox, Microsoft ont présenté leur dernière console de cette génération. C'était la Xbox One S All Digital. Donc c'est quoi ? C'est une Xbox One S sans le disque optique pour lire les CD et les DVD. L'annonce de Sony a été faite pour court-circuiter cette annonce, mais en même temps, donc, on sait qu'il y a de fortes chances que Microsoft communique sur sa nouvelle console, donc la vraie concurrente de la PS5. Il y en aura même deux, la Xbox Lockhart et la Xbox Anaconda, pour l'instant on ne sait pas leur nom exact, et qui vont concurrencer directement la PS5, et celle-ci serait annoncée par contre durant l'E3. Et du coup, Sony, il commence à lâcher des morceaux. Parce que c'est étonnant aussi qu'ils balancent tant d'informations comme ça dans la nature. Là, à mon avis, c'est juste un premier jet. Il va y avoir autre chose dans quelques sous peu. Ils peuvent pas balancer ça un an avant. C'est pas possible. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais. Donc voilà. Donc et puis en revenant sur ce Xbox One S, alors je sais pas si vous avez vu la presse concernant cette version toute digitale de la Xbox One S. La presse, les avis, ils sont fait massacrer. Pourquoi ils sont fait massacrer ? Parce que la console sera vendue au prix de 229,99€. Donc c'est une Xbox One S, elle est identique avec un disque dur d'un tera, c'est exactement la même que toutes les Xbox One S qu'on peut trouver, sauf qu'elle n'a pas de lecteur optique. Par contre, elle est le prix officiel d'une Xbox One S, il est à 299,99€. Donc ils annoncent qu'ils font une réduction de 69€ sur le prix conseillé. Seulement, le souci, c'est que maintenant, des Xbox One S sur Internet, on en trouve des neuves à 200... J'en ai trouvé une à 201,99€ avec deux manettes. Donc au final, eh ben, y a aucun intérêt de payer plus cher pour avoir une console qui n'a pas de disque optique. Pour les Blu-ray 4K, parce que c'est la seule à lire les Blu-ray 4K. Les argument marketing les Blu-ray, aussi qui était important. Les Blu-ray 4K, du coup, ce qui est incroyable, c'est le prix de vente, parce que tu as des choses en moins. Alors, pour compenser ce prix de vente, ils mettent trois jeux. Alors, ça aussi, c'est très drôle. Donc, les trois jeux, c'est Minecraft, c'est Sea of Thieves et Forza Horizon 3. Par contre, vu que c'est une console des maths, derrière, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas pouvoir acheter des jeux physiques, vous allez donc vous prendre un Game Pass obligatoire. Et sauf que ces trois jeux, donc Minecraft, Sea of Thieves, ils sont dans le Game Pass. Et Forza Horizon 3, vous avez le 4 aussi dans le Game Pass. Donc ça ne sert strictement à rien qu'ils offrent trois jeux, parce que de toute façon, sans Game Pass, la console, elle ne sert à rien. Game Pass, il est à 9,99€ par mois et propose une centaine de jeux, peut-être un peu plus. C'est ce que tout le monde est en train de se demander, c'est comment est-ce qu'ils peuvent se planter encore une fois dans la communication à ce point-là, quoi ? Ça me rappelle encore l'E3 2013, où quand ils se sont aperçus, donc à l'époque, quand ils avaient lancé la Xbox One, on ne pouvait plus prêter nos jeux, ou plus acheter des jeux d'occasion, parce que chaque jeu était verrouillé par un code qui était lié à la console. Donc même un enfant, dans le cas qu'il ait des parents divorcés, ne pouvait pas prendre son jeu, et que les parents avaient pris deux Xbox, il ne pouvait pas prendre son jeu pour la mettre dans la même console que du papa ou de la maman. Quand ils ont annoncé ça, ils se sont fait huer en 2013, et ce qui a poussé à deux ou trois semaines après à revenir sur leur décision pour corriger le tir, mais ils l'ont tenté. Et là, c'est la même chose. Là, je vous garantis qu'elle ne va pas rester à ce prix-là longtemps, parce qu'avec ce qui s'est passé sur la toile hier, ils essayent, mais ils vont revenir sur le prix, c'est pas possible. Une console comme ça, c'est à 149€, à la limite, ça peut être compréhensible, mais là, 229,99€, alors que tu as des choses en moins, et surtout, tu la trouves moins chère. Avec le disque optique, je vois aucun intérêt à prendre cette console. Puis aussi, moi de mon côté, je regarde aussi pas mal le marché de l'occasion pour acheter potentiellement des consoles. Donc techniquement, je préférais m'acheter une console avec un disque optique dans lequel je peux me dire que je peux regarder mon petit film en 4K chez moi, que d'avoir une console dématérialisée juste fait pour le jeu vidéo. Avec plein d'abonnements, et c'est vrai que ouais, t'as raison de le souligner. En plus, le marché de l'occasion, bah, y en a, enfin, c'est un marché qui existe encore, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore attachées au matérialisé et qui n'ont pas tout démat. Et il y avait la PSP Go, je crois, qui avait essayé. La PSP qui surcartonnait. Sony, ils sentaient plus pisser, donc du coup, ils ont commencé à faire un petit peu n'importe quoi, à proposer ce truc-là, qui s'est fait en plus mal voir par les vendeurs physiques de consoles, enfin les vendeurs de consoles et de jeux vidéo, qui font pas de marge sur les consoles, mais surtout sur les jeux d'occasion. Et la console, elle a bidé totalement, quoi. C'est pas ce que je souhaite à Microsoft, bien évidemment, mais en tout cas, l'histoire montre que les joueurs sont pas tout à fait prêts à laisser tomber leur boîte, quoi, en totalité. Ils veulent au moins avoir le choix. Après, je pense qu'ils ont mis en place cette stratégie-là dans le but d'avoir peut-être plus de bénéfices, parce que ça réduit aussi le nombre d'intermédiaires. Il n'y a plus le vendeur qui va prendre peut-être 30%. Au final, c'est ça. Ça les arrange. Ils veulent peut-être tester le marché comme ça. Le démat, ça arrange clairement le fabricant de consoles qui va bien souvent vendre sa console à perte, mais qui va récupérer de l'argent sur le prix des jeux. Ça arrange les développeurs, les studios de développement, et puis qui voient leur marge augmenter, hein, qui vont passer de 20 à 25% sur un jeu en studio de développement, en démat. Et puis ça supprime surtout la fabrication des boîtes, l'impression des jaquettes, la distribution, les choses comme ça. Puis il faut rappeler un truc, c'est qu'il y a un jeu en boîte, il est acheté une fois, il peut être revendu trois fois en occasion, ça fait qu'une seule vente pour celui qui le distribue. C'est ça. Donc ouais, ok, bon bah après on verra. Le démat, moi perso, je suis un vieux con, j'aime bien mes jeux en boîte. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'ai acheté ma PS4 Pro, je l'ai payé 50€, parce que j'ai revendu ma PS3 et j'ai revendu tout un tas de jeux PS3 et je me suis payé avec ma PS4 Pro. Il reste on garde une valeur marchande avec un jeu physique qu'on n'a pas du tout avec le démat. Et puis autre chose, le démat, il peut y avoir un disque, quoi que non maintenant, parce que même si tu perds ton disque dur, tu récupères tes données quand même. Puis il y a toujours cet attachement que tu as au support. Enfin, moi je sais que. L'objet, ouais. Exactement. C'est vrai. Tu le reprends en main et tu dis, ah tiens, toutes ces parties que j'ai pu faire avec mes potes dessus. Enfin, t'as vraiment ce souvenir-là, alors que dématérialisé, c'est plus de la consommation, tu consommes le jeu vidéo. Et puis c'est ce côté abonnement, du coup on va se retrouver, les générations qui arrivent, là ils vont se retrouver avec 50 abonnements et puis un salaire qui va partir rien qu'en abonnement, parce que ouais, ça s'accumule. Exactement. Ouais, entre le Netflix, Ah oui, ça devient hallucinant, quoi. Pourtant c'est dommage, mais c'est un phénomène auquel on peut pas lutter face à ça, quoi. Non, on peut pas lutter face à ça. C'est une matérialisation. C'est ça que je voulais préciser sur la dématérialisation, par contre, parce qu'il faut faire très attention aux chiffres. Par exemple, apparemment, ils ont fait des sondages récemment où il y avait encore 60% qui étaient attachés au physique. Ouais, mais ouais. Déjà une quarantaine de pourcents, et ça ne fait que monter les gens qui sont à fond dans le démat. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que vous êtes pour ou contre le démat, c'est plus savoir combien de pourcentages de jeux sont achetés en démat et 60% en boîte. Et quand on voit par exemple le catalogue qui contient à peu près 300 jeux du PlayStation VR, on s'aperçoit qu'il y a combien de pourcents de jeux qui sont en boîte. Il y en a très peu. Donc c'est du ça. Coup, c'est des chiffres qui sont... Les gens n'achètent pas du démat parce qu'ils ont le choix. Ils prennent du démat parce qu'il y a que ça. Le jeu n'existe pas en boîte. Ouais, ouais, ouais. Donc après, c'est très facile de dire qu'il y a de plus en plus de démat. Finalement, c'est quelque chose qui est limite imposé. Et de toute façon, on ne pourra pas y parer, mais c'est limite imposé. Ouais. Puis peut-être qu'avec... Peut-être qu'avec le nouveau business model des jeux du style à la Fortnite, où typiquement t'as plus besoin d'acheter le jeu en physique, enfin t'achètes pas le jeu pour l'histoire, mais tu l'achètes juste pour jouer en ligne, et eux leur business model c'est de vivre sur l'achat de nouveaux équipements, etc. Peut-être que C'est pour dire hello à cette industrie-là que les c'est tout à fait ça. Microsoft, avait, il y a quelques années, avait dit clairement qu'il ne croyait plus aux jeux scénarisés solo. Que ça ne marchait plus, que ça ne se vendait plus. Sauf que derrière, bah, y a eu Horizon. Ça fait plus de thunes, c'est pas exactement, pareil. Voilà. Ce qu'il faut. Oui, voilà, ça fait moins de thunes. Ouais. Derrière, il y a eu Horizon qui est sorti et puis qui a fait un carton. Donc, bon, bah, là, c'est rigolo. Le dernier Star Wars, c'est d'Electronic Arts. C'est quelque chose qui sera scénarisé solo. Donc, bon, il y a la vérité. Il y a le fait qu'il y a vraiment des tendances où les gens vont dire bah, ça c'est génial, j'y fonce. Et puis il y a aussi d'autres tendances où on voit sur le PlayStation VR des jeux en boîte, on a combien 5% de jeux en boîte 10% peut-être. Un peu plus. Je me rends pas compte. J'aurais dit une vingtaine de pourcents. 20%. Ouais. On n'a pas les chiffres, hein, donc là c'est que de la spéculation. Voilà, après c'est sûr que le jour où on ne pourra plus acheter des jeux en boîte, et ben, on sera à 100%. Puis... Voilà, c'est ça. Est-ce que ce sera vraiment une volonté du consommateur? Je suis pas convaincu. Moi je pense qu'il y aura toujours les jeux en boîte parce que ça va, il y aura un effet vinyle en fait. Ou maintenant qu'on typiquement, enfin, je pense que le concepteur du jeu vidéo va essayer de sortir son jeu en dématérialisé afin de toucher peut-être plus de retour sur investissement. Mais il aura toujours pour satisfaire sa fanbase, sortir le jeu en physique afin de garder les éditions limitées. Ça se fait dans la musique d'ailleurs. Mmh. Voilà, exactement. Ouais. Il y aura le collector, ou Last of Us, on adore, on veut la plus belle boîte avec la statuette et tout ça. Je pense que oui, ça va, on va le garder. Mais par contre, au niveau de... Mince, j'ai mangé ce que je voulais dire. Au niveau de, du... Du démat pur et dur, non, je sais plus. Enchaîner sur autre chose, ça va me revenir. Mon petit Lolo, est-ce que tu penses que tu as fait le tour sur la PS5? Parce que, en gros, complètement. C'était ça le sujet au départ. Ah, bah oui, ça fait une heure que je parle. Donc ouais. Je vais m'arrêter. Non, mais c'était intéressant. Mais oui, moi, de mon côté, moi, j'ai tout vu. C'est bon, parfait. On va passer au deuxième thème de l'émission. On va faire une petite parenthèse, un peu pas hors sujet, mais voilà, on a eu envie en fait de discuter justement donc avec Maxime et Thomas, qui vont nous parler donc de leur application Sponzy. Alors vous allez nous dire un petit peu, vous allez vous présenter, parce que bon, ça, effectivement, ça fait presque une heure d'émission là, mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Alors avec grand plaisir. Donc, déjà un grand merci à vous, hein, pour nous donner la parole à ce sujet. Bah, avec plaisir. Donc on vous a contacté via Tipeee, parce qu'on aimait bien ce que vous faisiez sur l'univers du jeu vidéo, etc. Et puis c'était pour nous l'occasion de vous présenter un outil qu'on pense être super pour les créateurs et pour apporter une nouvelle source de financement, de monétisation, de revenus, voilà, pour les activités qui touchent à tout cet écosystème. Mmh. Et donc pour me présenter, moi je m'appelle donc Thomas, j'ai 27 ans. À la base, j'ai fait une école de commerce, j'ai étudié un petit peu la finance. J'avais bien envie de comprendre comment tout ça marchait, parce que c'est un petit peu ça qui fait bouger le monde, quoi. Donc j'avais vraiment envie de me plonger là-dedans. Et puis après quelques années, j'ai bossé un petit peu dans la banque, etc. Et puis c'est un monde assez spécial, hein. La banque, on ne crée pas vraiment de valeur, je dirais, pour son prochain, pour la communauté, disons. Et donc j'ai eu un petit peu l'idée d'un espèce de réseau social, voilà, qui redistribuerait la valeur un petit peu différemment. Et donc je me suis lancé là-dedans d'abord tout seul. Et puis ensuite j'ai rencontré Maxime. Donc je me suis lancé là-dedans, c'était mi-2017, vraiment à essayer de... Voilà, de faire mûrir le projet déjà sur le papier. Je me suis formé un petit peu au design tout seul pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. Et puis j'ai rencontré Maxime. Bah, d'ailleurs, je lui ai donné la parole pour qu'il se présente un petit peu et puis il va vous dire un petit peu comment on s'est rencontré. Alors, encore merci à vous les gars pour votre invitation. Bah, pas de souci. Donc, moi, c'est Maxime. Je suis développeur. Donc, j'ai une formation, j'ai un background très technique. À l'issue de mon bac, je suis parti faire un IUT informatique à Clermont-Ferrand, puis je suis monté sur Paris pour continuer mes études en école d'ingénieur. Mmh. Et courant de l'année 2018, j'ai rencontré Thomas qui m'a parlé de Spondy. Donc, je ne comprenais pas tout au début, donc il a fallu qu'on se revoie plusieurs fois pour qu'on éclaircisse un peu plus le concept de mon côté. D'accord. Et puis j'ai trouvé le projet super intéressant, ça défendait mes valeurs, parce que tout l'univers des créateurs, c'est un univers dans lequel j'ai baigné depuis tout petit, et donc ça m'a vraiment intéressé, puis j'ai cette fibre entrepreneuriale qui m'a poussé à monter ce projet-là avec Thomas. D'accord. Ah, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, en fait, ce que c'est exactement Spondy ? Ouais, bien sûr. Alors c'est avant tout un réseau social, donc c'est l'occasion de partager son contenu, que ce soit des photos, de la musique, de la vidéo, même ses streams, ses articles de texte, des nouvelles, enfin vraiment un petit peu tous les types de médias qui se font. Et puis donc c'est à cette dimension-là qui est parfaitement gratuite, hein, je dirais, on partage et puis on peut liker, commenter, etc. Enfin, c'est le réseau social classique. Et donc la dimension qu'on apporte et qui est un petit peu nouvelle, c'est tout ce qui est lié au sponsoring et à la promotion, en fait. Donc d'accord. Mettons, je vais essayer de donner un exemple un peu concret pour expliquer ça. Mettons que moi je sois un musicien avec une audience assez modeste et que j'ai envie de faire connaître mon travail. On a trouvé qu'il y avait peu de moyens de le faire, en fait, quoi. Il faut avoir un contenu de grande qualité ou alors faire un gros buzz pour que ça commence à parler nous, etc. Et on s'est dit ça serait bien qu'il y ait quand même une manière que d'autres créateurs puissent mettre en avant notre travail et qu'on puisse en même temps leur faire part d'une petite compensation financière, quoi, que ce soit fait vraiment de créateur à créateur. Et d'accord. Donc le but via la plateforme, c'est d'automatiser ce processus-là. Donc mettons que moi je suis un musicien. Je vais envoyer une requête à un autre musicien. Donc le but, ce serait quand même d'envoyer ça à un utilisateur qui a quand même des centres d'intérêt à peu près similaires, une audience qui pourrait être intéressée par notre contenu à nous. Donc je lui envoie cette requête avec mon média, un certain nombre de vues ou d'écoutes, et puis un prix rattaché à ça. Alors c'est un prix qui peut correspondre à tous les types de portefeuilles, hein. Je peux même demander à ce que ce soit gratuit, et à ce moment-là, on rentre dans une relation de mécénat. Et donc l'utilisateur en face reçoit cette requête et puis il est parfaitement libre de l'accepter ou de la refuser. S'il l'accepte, le média vient se greffer automatiquement sur son profil à lui et donc il en fait part à son audience qui découvrirait ma musique, quoi. D'accord. Voilà, donc en fait c'est juste une possibilité justement de mécénat, mais il n'y a rien en fait dans l'adhésion à ce, en tout cas l'enregistrement sur ce réseau social qui oblige qui que ce soit justement à s'abonner à quoi que ce soit ou absolument, forcément vraiment, à participer financièrement. C'est vraiment le choix et c'est bien mis en avant et justement c'est fait pour fonctionner comme ça. Complètement. Mais c'est en rien une obligation. Non, en rien du tout. Donc l'application est parfaitement gratuite, hein, elle est sur l'Apple Store, sur le Google Play, sous le nom de Spondy. Et puis non, c'est vraiment c'est au choix de l'utilisateur de se promouvoir. Et puis à ce moment-là, oui, c'est à lui de définir un budget pour ça, si jamais l'envie lui prend. Ok. Ouais, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant pour tous les créatifs de tout poil, que ce soit comme vous disiez tout à l'heure, donc musiciens, création de vidéos, tout ce qui est média en fait lié un petit peu à Internet, mais pas que. Ce qui peut en tout cas être diffusé sur Internet. Tout ce qui peut se numériser, quoi, au final. Voilà, c'est ça, exactement. Je rebondis juste sur un point. Ouais. Il y a aussi toute cette notion-là, parce qu'on l'a pensé vraiment pour les créateurs. Et donc, on a analysé, en fait, si vous voulez, les problèmes, enfin, pas les problèmes, mais comment était structuré le marché à l'heure actuelle de la création et du partage de la création. Et donc... On s'est dit qu'il y avait donc cette partie de mécénat-là qui était assez intéressante à mettre en place via le sponsoring. mais aussi via une interface de donation simplifiée, donc un type que peut laisser l'utilisateur pour un contenu. Mmh. Et le but, ça serait vraiment de créer un écosystème dans lequel petits, moyens et grands créateurs, enfin grands créateurs vivent déjà de leur création, mais au moins petits et moyens puissent vivre. Et donc simplifier ces échanges entre nano-influenceurs, si vous voulez. D'accord. Donc pour la musique, par exemple, c'est pas forcément des adhérents SACEM ou ce genre de choses. Non, pas du tout. Ça peut être... En fait, si vous voulez, avec notre plateforme, on peut linker ces différents médias. Du style, pour la musique, on peut linker pour l'instant SoundCloud et Spotify. Et pour la vidéo, on a YouTube, Vimeo et Twitch. Et si vous voulez, on lit ces plateformes-là à notre compte. Donc on peut récupérer le contenu qu'on crée sur ces plateformes-là, parce que généralement, les gens ont leur audience sur ces plateformes-là. Puis on va essayer de rapatrier ce contenu-là pour le mettre en valeur sur Spondy. Et pour simplifier un peu cet échange de contenu, parce que moi, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où, à la fin de la vidéo, le YouTuber va dire effectivement « Regarde le travail de mon collègue », et ainsi de suite. Et donc avec Thomas, on a voulu vraiment automatiser ce point-là, tout en gardant cette notion-là de synergie avec les plateformes déjà existantes. C'est pour ça que on peut rapatrier le contenu créé précédemment sur ces plateformes. D'accord, ne pas repartir de zéro, justement. Exactement. Ouais, voilà, voilà. Ouais, c'est malin, ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est Maxime a eu raison de parler de la donation. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est possible d'effectuer de la donation directement sur un post. Donc si on voit si on voit une publication de quelqu'un et qu'on apprécie le contenu, on peut faire de la donation directement depuis ce post-là. Et on peut le faire aussi depuis leur profil. Donc via alors on a mis en place là on est vraiment en phase de bêta testing en gros. Et donc pour un petit peu tester toutes ces fonctionnalités, on a mis en place une monnaie virtuelle, donc à base de tokens. On distribue 500 tokens à chaque nouvel utilisateur, ils sont crédités directement pendant l'inscription. Et donc ces donations peuvent se faire à travers les tokens, ou alors en regardant une publicité un petit peu, alors je sais pas si vous connaissez Utip, c'est une plateforme qui permet de faire un petit peu de donation, c'est un feature similaire. Et donc on regarde une publicité de peut-être 20-30 secondes, et ça permet de créditer, de redistribuer le revenu de cette publicité au créateur directement. D'accord, ah, effectivement, ouais. Donc c'est vraiment du direct, t'as pas plus direct en fait. Voilà, exactement. C'est ça. Et nous, notre but, c'est que l'échange soit peer-to-peer, si vous voulez. C'est-à-dire de l'individu A à l'individu B. Par exemple, quand vous donnez 1 euro à une personne dans la rue ou 1 euro à quelqu'un, nous, on part du principe qu'il ne faut pas que un ton de pourcentage soit pris par la plateforme, parce que c'est un don. Et donc, on a vraiment essayé de mettre en place un système vertical... non, horizontal plutôt. J'étais en train de bugger. Et du coup, essayer de mettre en place un système horizontal, comme ça, le créateur et la personne qui veut contribuer au créateur va pouvoir le faire de manière directe, comme un échange. Et donc, c'était vraiment. C'est le système le plus simple possible en plus. Hein. C'est le plus simple. Alors... et je pense le mieux pour tout le monde en fait. Alors là, actuellement, en effet, on prend pas de commission parce qu'on a mis en place cette monnaie qui est virtuelle. Il n'y a pas de valeur monétaire. Hein. La valeur est purement arbitraire pour l'instant. Et on va développer ça. On va essayer de les mettre à l'achat et à la vente dans l'application même. Et puis on va surtout essayer d'implémenter des modes de paiement plus traditionnels comme la carte bleue, bien sûr. Lydia, PayPal, et puis on va essayer de se diriger aussi vers tout ce qui est crypto-monnaie. On va sûrement mettre en place des paiements comme le Bitcoin ou l'Ether. D'accord. Et puis on va devoir prendre une commission, mais qu'on va fixer la plus faible possible pour que la création soit pas entravée, pour que les créateurs puissent vraiment s'échanger le maximum de la valeur. Et puis c'est surtout pour qu'on puisse pérenniser la plateforme et son fonctionnement, quoi, parce qu'il y a forcément des serveurs, un petit peu de coûts fixes, de coûts variables, etc., qu'il faut amortir. Et le but, c'est qu'à terme, au final, donc plus on va être nombreux sur cette plateforme, plus évidemment les commissions vont être faibles, puisqu'il y aura beaucoup de trafic pour justement amortir tous les coûts que nous, on va prendre en compte. Quoi. Et puis avec Thomas, si c'est, vous ça, voulez, c'est ça la philosophie. Nous, on a vraiment cette notion où on aime la technologie. Mmh. Et si vous voulez, récemment, avec des technologies comme la blockchain, il existe des moyens physiques d'échange peer-to-peer où c'est transparent et où un utilisateur A peut donner à un utilisateur B de manière transparente. Et donc, on essaiera de mettre tout ça en place pour que tout cet échange de dons via les tokens soit dans lequel où aucune commission soit prise, en fait. Vu que tout sera basé sur cette blockchain, où ça sera un échange peer-to-peer, un grand échange, une grande place dans laquelle les gens aident ceux qu'ils aiment et vice-versa. Parce que le sponsoring, c'est ça. Un jour, je peux héberger du contenu d'une autre personne, mais l'autre jour, cette autre personne pourra héberger mon contenu ou le contenu d'une autre personne qui sera susceptible de me plaire, etc. etc. Mais le but, ça serait vraiment de faire cette grande place. C'est ça notre but. Principe de la toile d'araignée, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Oui, voilà, c'est le genre d'écosystème qui vraiment prend de la valeur quand il y a beaucoup d'interactions, quoi. Ouais, c'est ça, et créer des micro-communautés. Par exemple, créer la communauté des pro-VR ou je sais pas, on peut créer tout type de communauté, c'est ça le but. On s'amuse bien. Mais du coup, à ce sujet, parce qu'en fait, un artiste, quelque part, c'est assez large. Et quand on prend, je sais pas, pour faire un lien avec la VR, des petits studios VR donc, qui vont créer des jeux. Ouais. Y a beaucoup d'artistes, déjà, rien que dans un petit studio, parce qu'il y a celui qui va créer les illustrations, il y a celui qui va créer les animations et tout ça. Graphisme et donc, est-ce que, par exemple... exactement. Et est-ce que, par exemple, du coup... En mettant en avant ces aspects-là, je sais pas, une page donc sur votre application d'un studio qui essaye de lancer un jeu, ils mettent des illustrations, des machins. Est-ce qu'ils peuvent du coup peut-être réussir à financer leur projet par rapport à des gens qui vont aimer des choses qu'ils auront partagées? Je sais pas si c'est très clair. Ouais, complètement. Alors ce serait, c'est en effet, ouais, c'est ça l'idée là. Hein. C'est en effet une dimension. Une dimension parfaitement envisageable, mais il faudrait que. Alors ça dépend. Ça dépend dans quelle position ils sont. S'ils ont envie de faire la promotion de leur jeu qui va venir, ils seraient plus dans la position où c'est eux qui vont demander, par exemple, je sais pas moi, à des youtubeurs qui sont spécialisés sur le gaming ou des streamers Twitch qui vont pouvoir partager ça à leur audience, bah, d'héberger justement du contenu qui renvoie au jeu. Et à ce moment-là, ce serait à eux de payer en quelque sorte ces créateurs-là. Par contre, s'ils veulent se financer et recueillir des donations en postant du contenu qui est relatif au jeu, il faut qu'ils arrivent à renvoyer leur audience vers leur profil. Et à ce moment-là, on est dans le cadre de... pas de la précommande, mais presque. Quoi. C'est vraiment, voilà, on vous donne un aperçu du jeu, etc. On accepte les donations et ça peut se faire comme ou ça. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils partagent, je sais pas, ils lancent un Kickstarter ou quelque chose... Et du coup, de le partager énormément via cette application-là pour leur donner encore plus de visibilité et réussir à atteindre leur objectif en ayant peut-être des sous supplémentaires via l'appli. Complètement. Ouais, c'est une excellente idée. Puis c'est jouer sur les micro-communautés, si vous voulez. Parce que là, je pense qu'on vit dans une société où les gens sont attirés par des domaines ultra précis. Et ça, c'est grâce à Internet. Par exemple, là, en l'occurrence, sur la VR, on est sur un podcast ultra spécialisé sur la VR, donc c'est un peu c'est complètement une niche. Donc c'est exactement. Et donc là, le but, c'est que la personne qui est dans cette niche là va viser les différents publics en mettant son contenu sur le profil de différentes personnes qui sont sur cette niche là ou qui sont proches de cette niche là. Donc par exemple, il va partager son lien de son Kickstarter sur ces gens là. Et puis toutes les personnes qui sont abonnées vont recevoir les notifications de cette petite, de prenons l'exemple de la VR, vont recevoir cette notification, ce lien Kickstarter, et pourront être à même plus aptes à contribuer, parce que si vous voulez, c'est eux-mêmes le propre annonceur. Par exemple, moi, ce qui me dérange un peu sur les plateformes actuelles, c'est que c'est l'annonceur qui va payer la plateforme qui elle-même va redistribuer la pub via un algorithme à énormément d'utilisateurs en fait. Via une base de données, via du marketing ciblé en fait. C'est du marketing. Qu'on peut faire, pas forcément contrôler d'ailleurs, on ne sait pas qui va voir. On va payer, mais on sait pas. On sait que 30 000 ou 40 000 personnes vont voir le truc, mais on sait pas si ce sera vraiment ciblé. Hein. C'est ça. C'est assez magique. Exactement. Alors que là, le but, c'est que le créateur lui-même fasse la promotion de son propre produit, de son propre lien, de sa propre création, sur le profil de différentes personnes. Et le plus il y aura de partage de... C'est un partage de communauté, si vous voulez. Mmh. Mieux ce sera. Exactement. Et puis en plus, évidemment, le côté réseau social qui permettra justement à divers créateurs peut-être de pouvoir se connaître et se rejoindre aussi dans une création commune. Oui, voilà, c'est ça. Le but, c'était pas de faire une... Chose. C'est ça, le but, c'était pas de faire une énième régie publicitaire, en fait. C'était vraiment de pouvoir agréger tout ça dans un réseau social et de laisser libre cours à la création et aux interactions sociales, quoi, aux interactions humaines. D'accord. Et donc, le lancement de l'application a eu lieu. Là, vous disiez tout à l'heure que c'était encore en phase un petit peu de bêta. Ouais, mais l'application est déjà disponible sur toutes les plateformes iPhone, Android, j'imagine. Depuis quand déjà ? Depuis ce week-end. Depuis ce week-end. D'accord. Ouais, alors, donne la date parce que si les gens écoutent dans un mois. Oui, c'est vrai. Alors, c'était le. Samedi 14. Ouais, c'est ça. Samedi 13, dimanche 14, on a lancé ça. Ok. Avril, donc. Ok, d'accord. Avril, ouais. Impeccable. Et donc, du coup, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières au niveau du développement ou ça s'est passé, vous aviez une feuille de route, pas une feuille de route, mais un cahier des charges, la genèse du truc, et comment est-ce que vous avez réussi à développer ça, en fait ? Alors, c'est assez marrant. Donc, moi, au tout début, j'ai commencé à faire plus du design, des mock-up, etc. Mmh. Et puis, j'ai rencontré un développeur avec qui je jouais beaucoup en ligne, d'ailleurs. Et puis, on a décidé de se voir, de boire une bière, etc. On s'est bien entendu, le projet lui plaisait. Et puis, au final, il a perdu un petit peu de motivation. Il a un petit peu changé de vision, etc. Et donc, avec Maxime, et j'avais déjà rencontré Maxime, on était trois à l'époque. Et donc, on pensait créer l'application, ça devait sortir maximum novembre ou décembre de l'année dernière, 2018. Mmh. Et puis, au final, les avis ont divergé, etc. Et puis, on a décidé de continuer à deux avec Maxime, au final. Mmh. Le groupe s'est un petit peu séparé, etc. Et puis, on a continué. Et puis, on pensait sortir ça en janvier, peut-être février maximum. Et puis c'était optimiste en fait. C'est un peu toujours comme ça, je pense, hein, dans ce genre de projet. C'est Maxime qui vous racontait un petit peu. Un problème en ramène un autre. Exactement. Les déboires. Puis vraiment, dans le développement, je pense que c'est super compliqué de donner des deadlines super précises. Ouais, c'est vrai. Parce que... C'est un peu comme le bâtiment, quoi. Exactement. On construit une maison, c'est ça. Mais effectivement. On s'était posé comme deadline début de l'année 2019 et au final, c'est compliqué parce qu'on a... Enfin, moi, c'était la première fois que je réalisais une application aussi complexe et j'arrivais pas à m'imaginer, à me projeter trop en avant en me disant, ouais, effectivement, donc prochaine étape, tu feras ça, ça, ça. C'est fait beaucoup au feeling, beaucoup de travail, beaucoup de volonté aussi parce que... passer des heures, enfin c'est des heures et des semaines, des mois de développement acharné pour... Alors faut préciser que Maxime est en alternance et il bosse chez IBM en même temps. Et donc il est à moitié du temps sur Sponti, à moitié du temps sur IBM. Donc niveau volonté, c'est vraiment un travail remarquable. Pas, quoi. Oui voilà, il dort jamais. Ouais, non mais après oui, c'était... je pense que c'était aussi la vision. On a tous les deux avec Thomas cette vision-là et ce pourquoi. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans cet univers, cette jungle de YouTube, des influenceurs, que ce soit sur Instagram ou sur diverses plateformes, même SoundCloud. Et je voulais vraiment créer un produit, une application qu'ils puissent répondre à leurs problèmes de démonétisation ou juste aux problèmes des personnes qui ne peuvent pas vivre via leur création. Donc ça m'a donné une volonté énorme et donc j'ai développé et après on a réitéré énormément. On a eu une sorte de développement, on a eu un premier MVP qui était pas terrible, du coup on a préféré à la place de sortir une petite application qui reflèterait pas vraiment l'univers Spondy et notre concept. On a préféré reculer, attendre et bien se préparer pour lancer une belle application et qu'on soit fier de notre projet. Et pourquoi Spondy? Pourquoi? C'est pour faire cool comme Fonzy ou... C'est pas mal. Moi, tu sais. Non, Sponsy, ça vient de... le gros feature de l'application, c'est vraiment le sponsoring. Et donc, c'est un moyen de faire une petite abréviation sponsoring, Sponsy. D'accord. Okay. Faire un nom rendre le nom sponsoring qui a une connotation un petit peu commerciale, hein, je dirais, qui renvoie pas non plus à quelque chose de très... de très magique dans la création, d'en faire voilà un mot un petit peu plus mignon, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Ok, ça marche. Et du coup, le futur, là, vous venez juste de lancer l'application. À court et moyen terme, qu'est-ce que vous décidez, en tout cas, quelles sont vos priorités dans le développement et qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, du point de vue de la stratégie de développement, ce serait vraiment de... Alors du point de vue des créateurs, donc ce serait vraiment de le partager au maximum, hein, bien sûr. Parce que évidemment, donc plus on est, plus notre mieux système marche. Voilà, et surtout, plus on est, plus on peut avoir de feedback. Parce que nous, notre équipe, enfin, on n'est que nous deux. Moi, j'ai 21 ans, je ne l'ai pas dit dans l'introduction. Donc même Thomas, on est assez jeune, donc on est là pour s'améliorer, pour prendre le feedback... De vos confrères youtubeurs, créateurs, pour pouvoir créer cette application ensemble. Enfin, moi, c'est ce que j'attends, c'est que les gens nous suggèrent des idées, des points de vue, et que ça évolue. Donc, disons qu'on a notre vision, on sait à peu près ce qu'on veut de Spondy, en fait. Vous avez la vision globale, en tout cas, et vous attendez le retour des utilisateurs pour... spécialiser certaines choses. Exactement. Et des choses auxquelles vous auriez peut-être pas forcément pensé au départ. Ouais, complètement. C'est ça. Et après, par exemple, tout ce qui était feature de donation, au début, on pensait le faire peut-être un peu plus que sur le profil. Et après, au final, on s'est dit, ce serait intéressant de mettre ça sur un post parce que des posts sont... Enfin, des créations sont tellement oufissimes que... on se dit, on doit y contribuer, donc ça serait intéressant de mettre juste un petit token sur ce post-là pour envoyer facilement en un clic des tokens, et donc c'est que de la réitération, pour atteindre un produit qui plaise à tout le monde, parce que on fait pas ça que pour nous, notre why, c'est surtout le bonheur des créateurs, le bonheur des utilisateurs. D'accord, en tout cas ça se ressent la façon dont vous en parlez, c'est pas un projet mercantile, quoi, c'est vraiment du partage et de la valorisation en fait du travail des autres, et c'est un état d'esprit en tout cas que nous on respecte beaucoup dans l'équipe, et donc en tout cas bravo pour cette initiative là, et je pense que ça pourrait être plaisir. Vraiment intéressant. Merci. Ça nous fait très plaisir. C'est un problème qui est maintenant courant, parce que bien souvent quand on entend très souvent parler des gros youtubeurs, mais la grande majorité des gens galèrent pas mal à soit les musiciens arrivent à se faire connaître, ils sont bourrés de talent mais ils n'arrivent pas à avoir cette audience, soit des créateurs d'illustrations, de vidéos, de dessins animés, d'animations, de jeux vidéo, et justement c'est une nouvelle façon d'arriver à monétiser. Puis je pense aussi qu'il y a un biais du survivant où on voit que, entre guillemets, les têtes d'affiche, les gens qui arrivent à vivre de leur création, mais on n'imagine pas qu'ils sont très rares, exactement. Et on ne voit pas tous ceux qui galèrent, qui ont un travail à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc nous, c'est ça qu'on veut réparer, parce qu'on est convaincu que dans le futur, il y aura plus en plus de créateurs de contenu. Tout le monde veut amener... sa pierre à l'édifice, au savoir de l'être humain, en fait. Et du coup, faut trouver une nouvelle solution pour partager plus facilement et que ça soit le plus équitable possible et que tout le monde puisse vivre. C'est vrai que c'est extrêmement pyramidal, hein. On voit rien que sur YouTube, comme vous le disiez, hein, il y a c'est ça, les c'est grosses ça. Têtes d'affiches et puis les miettes quoi, en dessous, et c'est, voilà, c'est une inégalité qui est un petit peu hallucinante. On voit beaucoup le 1%, mais la majorité, ouais, la majorité, c'est ça. C'est exactement ça. Alors ça fait un peu storytelling, mais c'est moi ça m'est un petit peu venu aussi parce que ma mère est peintre et ma sœur est musicienne. Et les deux toujours aujourd'hui, hein, ont un petit peu de mal à se faire connaître, à promouvoir leur travail, etc. Et voilà, et on était en plein dans cette problématique. Ouais, surtout que c'est un milieu un peu particulier, quoi, donc ouais, forcément. Ouais. Bon, bah, très bien, en tout cas, super initiative. C'est un truc qui nous plaît vraiment, et c'est pour ça qu'on tenait justement pendant le podcast, alors que bon, on est plutôt donc spécialisé dans la VR et qu'on n'a pas l'habitude de parler de choses qui... Ouais. Qui n'ont pas trait justement à ce thème, qu'on voulait quand même vous laisser la parole parce que voilà, ça nous paraissait vraiment intéressant de pouvoir discuter de ça avec vous et on vous remercie en tout cas d'avoir participé à l'émission. C'est cool. Ça nous fait très très chaud au cœur. Merci beaucoup. Ça nous a fait vraiment plaisir aussi. Enfin, il y a que de l'amour dans cette émission. C'est fou. C'est cool. Mais il en faut à ce monde, il en faut. Il en faut, ça fait du bien, surtout en ce moment. Ok, bah c'est cool. Bon, bah, restez avec nous encore, hein, parce que justement, on a cru comprendre que vous étiez quand même un petit peu gamer. Ouais, ouais. On va vous parler de quelques jeux, là, justement, sur PSVR qui sont sortis dernièrement. On va survoler, hein, de toute façon, après, il y a les tests qui sont disponibles sur le site VR4Player, comme d'habitude. Tout à fait. On va commencer par... Bah, tu fais bien de l'ouvrir, toi. On va commencer par Sébastien, avec Ghost Giant. Qu'est-ce que c'est Ghost que ce Giant, eh ben, c'est un récent incontournable sur le site, en tout cas, sur VR4Player. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu le test, en fait, il a récolté un 8 sur 10. Donc c'est quand même... rien que ça. Une bonne note, voilà. Mais malgré tout, c'est pas un jeu qui va s'adresser à tout le monde, parce qu'il y a des jeux, il y a des gens qui sont moins sensibles que d'autres. Ouais, des bourrins, quoi. Hashtag Cillion. Ouais, des bourrins. Dédicace. Non, mais... il est pas là. En fait, c'est... c'est pour ça j'en profite. Je sais qu'il va écouter. Donc Ghost Giant, en fait, c'est plus voilà, un jeu assez onirique. On est spectateur, il y a de la poésie, on retourne un peu en enfance, quoi. C'est si on a une âme d'enfance, qu'on n'est pas totalement brisé, on devrait apprécier cette production. Qui est à la fois enfantine, mais avec des messages derrière plus voilà, qui parlent, qui sont plus profonds et qui vont parler davantage aux grandes personnes. Le jeu donc est sorti le 16 avril, donc il y a pas longtemps, récent, en fait. C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Il va sortir prochainement en boîte demain, si je dis pas de bêtises. Demain, donc le 19 avril. C'est ça. Au même prix que la version numérique, en fait, à 29,99€. D'accord, donc je vais faire des courses demain, c'est cool. Pourquoi il est au même prix ? Bah, alors, ça, c'est la bonne question, je ne sais pas. Parce qu'ils se font de la marge peut-être en des maths. Non, on revient. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Non. Et en plus, en boîte, il y aura une Deluxe édition. Donc, pour je sais pas si elle sera plus chère. Enfin, il n'y a pas eu trop d'infos là-dessus. Ça tombe, c'est la version boîte qui est au même prix. T'auras la notice. Bah, t'auras des cartes postales digitales. D'accord. La bande son digitale. Ouais. La bande son digitale aussi, avec des versions live et des musiques du jeu. Et puis un artbook qui est axé sur les personnages de Sancourt, qui est donc la ville fictive du jeu. D'accord. Tu nous as pas dit exactement ce que c'était comme c'est type vrai. De jeu. C'est le talent de pouvoir parler plusieurs minutes sans dire grand-chose. C'est ça. Brasser du vent. C'est une spécialité. Non, mais en fait, c'est un jeu qui a été annoncé, on va le rappeler, à l'E3 2018. Oui. Lorsqu'on était tous déçus parce qu'il n'y avait pas trop d'annonces de jeux VR. Et là, à la fin de la conférence, hop, il y a eu quelques petites révélations comme ça, dont Ghost Giant, pour le coup, je sais plus si on a été trop hypé. On se demandait, on était un peu en questionnement sur ce jeu, mais je crois pas qu'il. Vu qu'on avait la déception sur le coup, un peu de je devais être le seul, je pense, à être hypé. Non, moi j'étais à fond. Tu étais aussi. Parce que ça me faisait un petit peu penser à Tear Away et je exactement. Ouais. Ah non, moi j'ai vu Moss, moi. Ouais. Avec le géant et la petite souris, quoi, j'ai dit tiens. Bah, en fait, Tear Away, ça va plus être dans les décors que dans ça rappelle, design. Je trouve. Ouais, dans le design et le côté un peu fait main et tout ça. L'histoire de volume, ça j'en parle dans mon test. Il y a le quand on a le casque, justement, c'est pas un paysage qui est tout plat. Il y a des paysages qui font un peu des sphères, il y a pas mal de volume, et ça c'est beaucoup utilisé dans Tearaway Unfolded compagnie. Et après l'aspect Moss ou il y avait quoi d'autre aussi comme jeu, Alone Together, Wayward Sky, voilà, c'est ce genre de jeu, ça va rappeler un peu ce genre de jeu, sauf que là on va pas pouvoir déplacer le petit personnage, on va juste interagir avec lui. Donc on va avoir un petit personnage qui s'appelle Louis, un petit garçon solitaire, et on va devoir l'aider en fait. Voilà, une sorte de petit chat violet. Nous on est un géant fantôme bleu. Donc on va essayer de l'aider dans son aventure, on va interagir avec le décor, on va devoir trouver des objets cachés aussi des fois. On va suivre l'histoire, c'est une histoire narrée, ça se vit vraiment comme un petit conte, un petit conte interactif. En fait, et alors le jeu par rapport à son prix n'a pas une grande durée de vie, mais voilà, c'est quand même un bon moment de prix. Moi j'ai mis 4h30 pour le finir. D'accord. Mais par contre voilà, c'est un jeu, c'est très léché dans le sens où c'est il y a une vraie finition. Graphiquement, c'est vraiment agréable, c'est coloré, c'est en plus il y a des environnements un peu variés, des situations aussi variées ou qui prennent un virage inattendu. À la fin, si tu repenses un peu à l'aventure, tu te dis ah oui, en fait ils ont voulu dire ça aussi. Si tu t'intéresses à l'aventure, tu vas essayer d'y réfléchir et te dire et d'imaginer un peu différentes interprétations. D'accord. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça fait penser quand même, tu me disais, au niveau du prix et de la durée de vie, ça fait un petit peu penser à Moss. C'est pas très long, mais tu regrettes pas, en fait, parce que tu as passé quelques heures de jeu qui sont vraiment intenses et bien finies, bien racontées, bien léchées, avec un gameplay, j'imagine, qui est assez efficace. En fait, là, il va pas y avoir de moments plus intenses comme Moss, où là, pour le coup, on a des combats, des choses comme ça, parce qu'on va diriger Quill, la petite souris. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas trop de moments intenses, hein, faut dire ce qui est. Ça reste assez posé, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça fait du bien, un peu de moments comme ça. Et ça fait une petite coupure. Quand on le retire après avoir passé une heure ou deux dedans, on se sent bien. Enfin, c'est le jeu qui fait un peu du bien. Non, c'est vrai, le jeu un peu léger. Je veux dire. Très contemplatif comme jeu, ça. Ouais, voilà, c'est assez contemplatif. Et par rapport à la réalité actuelle, du coup, quand tu mets ce casque, voilà, tu vas un peu t'immerger là-dedans dans cette histoire, et ça fait du bien. Quelque chose d'un peu plus léger, mignon, coloré. Et pas si innocent que ça non plus par ces. Ça me fait vachement penser à Inside. Je sais pas si vous connaissez. Inside c'est beaucoup plus sombre quand même. C'est lourd. Oui, c'est très lourd Inside. Exactement. Ouais, là on n'est pas, c'est pas sombre du tout en termes de jeu. Vrai que moi j'adore Limbo, Inside et tout ça. Ouais, c'est ça, Limbo, Inside. Il y a un autre jeu comme ça que j'avais beaucoup aimé dans ce genre-là, mais c'était pas les mêmes créateurs. C'était Little Nightmare. Qui était joli en plus. Hein. Ouais, ça en VR, ce serait super ça. Graphiquement, c'était sympa, ouais. Le traitement. Côté un peu réaliste. Ça, je les note parce que j'adore. Si les développeurs nous entendent, faites-nous une version VR. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Écoutez-nous. Donc voilà, donc Ghost Giant, 24,99€, je sais pas si tu l'as dit. 29,99€. J'aurais mieux fait de me taire. Il est plus cher que Moss. Hein. Moss était à 25€, je crois, les 4-5 heures. Il est vraiment bien, mais c'est vrai que en termes de prix, ça peut être frustrant. de finir en 4h30 pour si vous comment dire, si vous ne comptez pas vos petits sous tous les mois, vous pouvez le prendre sans problème. Voilà, sinon attendez peut-être les promos Il y a une replay value un petit peu ou genre tu le termines, c'est bon, tu le ranges? Bah alors en fait c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de replay value comme on dit en anglais. Non, parce que je l'ai fait un peu à l'arrache, ouais, ok. Et je le fais à la canadien. Parce que bah en fait tu as des objets à trouver dans chaque scène, mais c'est en soi si tu prends le temps de les chercher, c'est pas très compliqué, tu peux les trouver assez rapidement. Moi pour le coup, je les ai tous trouvés pendant ma partie. En première. Donc une fois que j'avais fini, j'ai pas trop d'intérêt à y retourner maintenant. Mmh. Après peut-être que d'ici quelques mois, je prendrai plaisir à refaire l'aventure de nouveau. D'accord. Mais oui, il y a pas de replay value. C'est pas facile à dire en anglais, donc de replay value. Ouais, merci. Voilà. Je fais tout ça comme ça. Et puis pareil, il y a pas de réel challenge pour ceux qui en voudraient, parce que c'est pas très compliqué. Les énigmes sont pas très compliquées. Ça, c'est enfantin en fait finalement. Ouais, plusieurs niveaux de lecture peut-être, mais c'est destiné plus comme le casque est prévu pour les enfants de 12 ans et plus. Bah, ça, c'est plus pour les gamins de 12 ans quoi, qui joueraient pas à Fortnite. Petit et grand peuvent apprécier, hein, vraiment, ça dépend. Ouais, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Ça tombe bien, j'ai 12 ans. Et le personnage, mais il faut rester jeune dans sa tête, c'est important. Et le personnage, Louis, est très attachant en plus. Donc c'est quand on est petit, on doit le trouver trop mignon, un petit copain imaginaire, je sais pas. Mais quand on est grand, il nous fait un peu rire et puis c'est, je sais pas, il a un petit côté attachant. Voilà, ça sert à rien ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, je l'ai dit quand même. Bah oui, mais tu as dit ce que tu avais dans le fond de ton cœur et tu as bien raison. Donc voilà. Ensuite, on a eu Angry Bird, Isles of Pig. Est-ce que je l'ai bien dit? Ah, ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Isle of Pigs. Ouais. Isles of Pigs. Isle. Pig. Je crois. Isle of Pig. Bref. Alors... Mais c'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Angry Bird. Angry Bird. Angry Bird, tout le monde connaît Angry Bird. C'est Angry Bird et c'est en VR. Et voilà. Et apparemment, c'est court. Excellent. Et c'est super court. C'est super court. Court et facile. C'est pas la taille qui compte, mais quand même. Alors est-ce qu'on envoie les oiseaux avec le bras? Il y a toujours le lance-pierre. Avec un lance-pierre. T'as ton lance-pierre. Donc c'est sorti en Europe le 16 avril au prix de 14,99€ Maris. Et c'est que dire de plus? C'est assez court en fait. Il y a 4 mondes différents. Donc il y a le test sur le site comme d'hab. C'est déjà sorti en fait sur PC depuis un petit moment déjà. C'est court, il n'y a pas énormément de challenge. C'est l'univers donc de Angry Bird, hein, que tout le monde connaît, qui a été fait par Rovio Entertainment. Et il n'y a pas un challenge vraiment énorme. Ça reste quand même très efficace, c'est très mignon, c'est très joli, c'est très léché. Au niveau du gameplay, c'est absolument parfait, ça répond bien. On va dire que, d'après ce que Spanx, parce que c'est Spanx qui l'a testé, il l'a terminé lui en une soirée, sans forcer. Et il a passé un bon moment. Je sais pas s'il a pas dit court. Une heure et demie dans son test. Une heure et demie à peu près, ouais, moi c'est ça. Et sans pic de difficulté, enfin vraiment, c'est de la progression au niveau de la difficulté qui est vraiment constante, mais qui est pas énorme. C'est un jeu, si on est fan d'Angry Bird, je sais pas s'il y a beaucoup de fans d'Angry Bird, surtout depuis la sortie du film, est-ce que ça peut peut-être les intéresser, c'est une petite cartouche comme ça gratos, peut-être que ça peut les intéresser, mais voilà, en fait il apporte pas une réelle valeur ajoutée à la licence, malgré son gameplay VR qui peut être quand même beaucoup plus immersif. D'après Spanx, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt joli, ça fonctionne bien. C'est ça. Mais ça par contre, quand on a été habitué à jouer à Angry Birds sur le téléphone portable, et on sait que la difficulté est croissante et jusqu'à un moment où même ça devient plutôt difficile. Et là, c'est vrai qu'au bout d'une heure et demie, on a tout bouclé sans rencontrer réellement de difficulté. C'est là où ça coince. comme si le jeu n'avait pas été terminé. Pourtant, il y a 52 niveaux différents, ce qui paraît donc plutôt intéressant, même, hein. Mais ouais, qui se termine assez facilement. Donc voilà, donc forcément, nous, ça nous fait penser aussi, pour ceux qui l'ont testé sur PC, à VR Furballs Demolition de Gaming Studio, qui propose une difficulté qui est bien plus importante, plus de niveaux. Dans Angry Bird, on a uniquement le lance-pierre. Dans VR Furballs Demolition, t'as le lance-pierre évidemment, mais t'as aussi d'autres trucs, genre la batte de baseball, les raquettes, le lance-harpon. Au niveau des gameplay, c'est un peu plus étoffé, avec un système de mini-jeux dedans, qui n'est toujours pas sorti donc sur PSVR, mais il y a le développeur qui est en train de bosser dessus. Voilà quoi, donc à part le nom, Angry Bird, pour pouvoir passer une bonne soirée, à la limite, pour faire découvrir justement la VR aux gens, ça peut être vraiment sympa. En plus, Angry Bird, c'est une licence que absolument tout le monde connaît, hein, même ta grand-mère. Ouais, donc, c'est vrai, tu peux peut-être y aller. Peut-être aussi pour les plus petits. Pas de... Il est plus aussi. Petit aussi, ouais. Et parce que ça reste très mignon. Pas de déplacement, donc pas de motion sickness. T'as pas de déplacement. Tout à fait. Et pas de motion sickness, donc c'est bon pour vous aussi, les gars. Vous pouvez y aller. pour les fragiles du cœur, ouais. Voilà. Ah ouais, non, mais attends, je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus. Moi qui peux jouer presque n'importe quoi en VR, j'ai été un cas particulier. Contrairement à des personnes qui mettent une semaine ou 15 jours à s'habituer à la VR, parce qu'on s'habitue, hein, c'est juste voilà, c'est l'adaptation du corps à son environnement, entre guillemets. Et moi j'ai mis 2 mois, j'en voulais vraiment. J'aime souffrir, j'ai gervé pendant 2 mois pour pouvoir en faire. Et j'espérais toujours, je me disais, purée, mais plus j'arriverais à jouer un jour un FPS en déplacement libre. Mais c'est ça, j'ai fait une collection de sauts. Mon saut PlayStation final, bleu. Et au final, bah voilà, maintenant je peux jouer à tout et je suis trop content. Mais au début, vraiment, j'étais super extrême, hein, je ne supportais rien, mais vraiment pas le moindre petit déplacement en avant, j'étais pas bien tout de suite. Donc si ça peut vous rassurer, j'avais fait, en fait, sur le site, on a comment dire, des petits articles qu'on appelle mon premier vrai souvenir. Où chacun, on détaille un peu notre premier contact avec la VR, et j'en parle dans cet article-là, si ça vous intéresse. On parle plus en détail, parce que justement j'ai découvert la VR dans un événement, parce qu'il y avait PlayStation qui faisait un peu le tour des villes pour promouvoir son casque. On pouvait y aller, puis essayer un jeu ou deux. Et moi j'ai essayé Drive Club, et puis voilà, j'étais pas bien, j'ai retiré le casque, j'avais envie de gerber. C'est quoi ça? Et j'en ai eu. Ouais, ça fait une très mauvaise pub. Je voyais très mal la VR sur le coup, et bon, comme y a que les cons qui changent pas d'avis, je me suis remis en question, je me suis réenseigné dessus parce que ça me branchait vraiment, et je me suis rendu compte, qu'il fallait pas faire ça normalement, pas commencer par un jeu de voiture. Il faut commencer petit à petit. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse, mais c'est important de le dire. Ah oui, t'as raison d'insister là-dessus, parce que ça fait peur de prime abord, mais voilà, c'est comme tout, quoi. Faut s'habituer, et bon, si on y arrive, hein, tout le monde peut y arriver, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ah bah si j'y arrive, tout le monde. Ah, moi je me rappelle faire des colloques, Sébastien. J'avais pris des sueurs dans le casque parce que j'ai le vertige, moi. Et la première fois que j'ai joué à Batman, j'étais tétanisé vu la hauteur du truc. Quand t'es en haut d'un building. Paris Splunk. Non, pardon, private joke. Et au final, c'est pareil. maintenant, j'ai plus, ça me fait plus rien, quoi, j'ai plus le vertige. Et ouais, c'est d'ailleurs ce que j'avais vu au salon de la VR l'année dernière. C'était une start-up qui utilisait la VR pour aider les gens à lutter. Pour les phobies. C'est utilisé pour plein de trucs. Plein de trucs. Et notamment pour la peur de fumer du aussi, vide. Apparemment. Notamment la peur du vide. Ouais. Ouais. Casque. Pour réapprendre à marcher aussi, quand t'as plus de jambes ou que t'as une fausse jambe, on peut te mettre un casque pour t'habituer. T'as l'impression d'avoir une vraie jambe, et du coup, instinctivement, tu vas rechoper le réflexe de marche. C'est utilisé pour l'entraînement en médecine. Ça va pour les enfants chez les dentistes aussi, ou les enfants à l'hôpital. Il y a une petite application qui existe comme ça où c'est une petite abeille qui se balade. Et donc l'enfant, eh ben, on va lui faire une piqûre sur le bras et puis on lui met le casque. Et puis la petite abeille, elle se pose sur le bras. Et puis au moment où elle le pique, eh ben, l'infirmière, elle sait exactement parce qu'elle a le téléviseur et elle pique au même moment. Et les petits pleurent pas parce qu'elle a été sympa, la petite abeille. Et puis, C'est excellent ça. Ouais. Excellent ça. Mais on pourra faire une émission justement sur les applications un petit peu et des tonnes thérapeutiques. Sur, c'est super intéressant. Il y a plein de choses. La réalité virtuelle. Ouais. Il y a de plus en plus de choses qui sont utilisées. Ouais. Peut-être même avoir des professionnels justement qui pourraient nous parler un petit peu de leur retour d'expérience là-dessus. Ça pourrait être super intéressant, je pense. Donc à étudier. S'il y a des professionnels qui nous entendent et qui seraient intéressés, contactez-nous. Contactez-nous, ça nous fera bien plaisir de discuter avec vous. En tout cas, Angry Bird, pas de problème de motion sickness parce que ça bouge pas. Donc, à moins que vous ayez peur des oiseaux, et encore, ça peut du coup vous aider à lutter contre la phobie des oiseaux. Après un Hitchcock, une soirée Hitchcock, c'est ça, voilà, exactement. Comme ça, tu les balances sur de la TNT. Non, ça défaut. Voilà, donc 14,99€, c'est sympa, mais voilà, à vous de voir. Ensuite, nous avons Immortal Legacy, The Jade. Vas-y, je te laisse faire. Ensuite, nous avons Immortal Legacy, The Jade Cypher. Et donc, c'est un jeu. Bravo. Merci beaucoup. Bon, je vais m'arrêter là, du coup. Alors, continue. Tu peux le refaire une deuxième fois. Si tu veux. Alors ensuite, nous avons Immortal Legacy de Jade Cypher. Et donc c'est un jeu qui est sorti le 17 avril, hier en fait. En France. Au prix, en France tout à fait, au prix de 19, même ailleurs je crois, au prix de 19,99€, édité par Sony Interactive Entertainment Europe. Et donc c'est un FPS le jeu est en production depuis un bon moment parce que il y avait une démo au début du PSVR sur le store asiatique je crois et ça s'appelait Kilix et ça vendait pas du rêve à l'époque en termes de contrôle et même graphique c'était pas de réalisation on comprenait pas. Après avoir fait la démo, on savait pas trop quoi consistait vraiment le jeu, qu'est-ce que en termes d'histoire non plus, on savait pas trop vers quoi ça allait. Et donc il a changé de nom, on va pas le redire une troisième fois, mais et en fait, Vert4Player a eu l'occasion de le tester à un événement, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. C'était Cyril qui l'avait essayé. Cyril qui l'avait testé, voilà, et donc il avait pu faire le didacticiel et le premier niveau. PlayStation Experience, c'était. Ouais, la PlayStation Experience, merci, ça y est. Et voilà, et donc il s'est avéré que le jeu avait fait d'énormes progrès, il ressemblait plus vraiment à ce que c'était avant, mais il y avait toujours des soucis de contrôle. C'était mieux que sur la démo, là ça a évolué, mais visiblement, d'après Cyril, on a discuté un peu, les contrôles sont similaires. Là sur la version finale et pour moi c'est un peu le problème actuel, c'est que j'ai fait 2 heures de jeu dessus pour le moment. Je trouve qu'il est sympa, il y a des bonnes idées, il y a des moments aussi variés, les sensations de tir sont cool, donc c'est un jeu avec un petit côté horreur, donc il y a pas mal d'action. C'est assez c'est une histoire un peu aussi de légende chinoise, donc c'est un peu surréaliste, fantastique, et on va essayer d'en savoir un peu plus sur nous, et en fait je disais l'aspect qui gâche un peu tout c'est les contrôles, parce que alors je sais pas si vous voyez un peu sur les PS Move, habituellement on va par exemple bouger avec le bouton Move de droite et puis faire des rotations angulaires avec carré et triangle du move de gauche. Ouais. Voilà. Sauf que là, en fait, sur chaque bouton move, on peut avancer, que ce soit le gauche ou le droite. Si on appuie sur les deux en même temps, on avance un peu plus vite. je dis pas on court parce que ça va pas hyper vite non plus. Et le problème, c'est que pour tourner les rotations angulaires, sur le move de gauche, ça va être carré, donc celui en le petit bouton en haut à gauche. Et pour tourner à droite, ça va être triangle de la manette de droite, donc le petit bouton en haut à droite. Et donc, quand tu appuies sur le bouton move pour avancer, et que tu dois tourner sur la manette là où tu es en train d'avancer, par exemple, sur laquelle tu es en train d'appuyer sur le bouton move, tu peux pas. Tu tournes, mais tu t'arrêtes forcément. Ouais, donc, tu es obligé d'alterner ton bouton move. Tu passes de la main droite à la main gauche pour aller tourner à droite ou vice-versa. Mmh. Et donc, c'est un petit peu galère, c'est un coup à prendre, sachant que tu peux aussi faire des pas de côté ou des pas en arrière avec les autres boutons des moves. Donc c'est vraiment un temps d'adaptation et c'est vraiment pas pratique. Il faudrait vraiment que ce soit patché, surtout qu'il y en a plein de jeux maintenant qu'on montrait l'exemple. Skyrim. Voilà, c'est ça, qu'on a imposé un peu leur manière de jouer. Et, pour nous, c'est devenu un peu la méthode à aborder automatiquement. Et t'as l'impression qu'ils sont pas renseignés avant, comme certains d'autres studios, et c'est dommage. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une mise à jour pour régler ça, parce que si les contrôles étaient pareils que Skyrim ou autre, ce serait vraiment sympa. Rappelle-moi, est-ce que tu te souviens, toi, sur Skyrim ou sur ce project, ça fait longtemps que j'y ai pas touché, le déplacement pour aller en avant, c'est bien le move de gauche qu'on utilise ? Je crois que c'est le move de droite. T'es sûr de ça ? Je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est le move de droite, parce qu'on se déplace avec donc les directions angulaires, c'est carré et triangle du move de gauche, il me semble que c'est comme ça. Parce que l'inverse me semblerait bizarre, étant droitier. Et c'est ça. Et en fait, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a deux systèmes de visée. On va pouvoir viser en pointant le move, ou vraiment en visant avec la pointe du move pour tirer, par exemple. Ou alors la visée où on a le move un petit peu en l'air et en fait on a ça donne le pistolet droit en fait. Comme si t'avais le manche en fait du pistolet. Ouais, voilà, c'est un peu un mode normalement un peu plus confortable et qu'on retrouve plus fréquemment dans les FPS en VR. Et sauf que ce mode là, il y a un gros souci, c'est que je le montre dans ma vidéo preview du jeu. C'est que par exemple quand t'es en face de ta caméra et que tu vas viser droit et que tu vas tourner en gardant le bras à 90 degrés, que tu vas tourner vers la droite comme ça. Donc, toujours sans toucher à la rotation angulaire, tu vas juste tourner ton bras vers la droite, et le viseur va monter au fur et à mesure tout seul. Alors que toi, ton bras ne bouge pas. C'est un bug de reconnaissance, ça, non ? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas, et c'est parce que ça le fait pas quand tu choisis l'autre mode. Et du coup, c'est vraiment dommage, parce que si tu peux pas l'utiliser, c'est injouable, à moins de tirer toujours devant toi. Si t'as un ennemi à droite, t'es obligé de tourner à chaque fois la rotation angulaire pour lui tirer dessus, parce que sinon, tu vas tirer et ça va tirer bien bien au-dessus. Donc ça, je sais pas, c'est un autre problème vraiment bizarre et qu'il faudrait qu'il soit corrigé aussi. Et l'autre défaut que je peux voir, c'est un défaut et à la fois, comme je le disais dans ma preview, c'est un questionnement. C'est que le jeu n'a pas vraiment de flou, ni d'aliasing. Ouais. Ça c'est plutôt une bonne chose, mais par contre il a des textures assez grotesques et il tourne toujours un peu dans les mêmes tons de couleurs. Ouais. C'est donc pas détaillé après, en fait, ou c'est ça non ? C'est pas très détaillé, ça fait un peu des gros pavés de textures quoi, c'est un peu baveux et en fait du coup je dis dans ma preview, est-ce qu'on préfère avoir ça ou plutôt des textures bien détaillées mais de l'aliasing et du flou partout. Donc faut choisir. C'est toujours un combat entre les deux quoi. C'est ça. Donc pour le coup c'est quand même agréable là, parce que par exemple Rodata, il y a du en termes d'aliasing, je cite celui-là parce que je crois que c'est l'un des plus marquants. Il est pas mal. Il est méga aliasé et c'est vraiment pas agréable. Donc quelque part je préfère peut-être ça. Pour les yeux c'est quand même c'est quand même plus sympa. Donc, passer outre ces contrôles, pour le moment, je passe un bon moment. Il y a vraiment des moments qui m'ont un peu surpris. Il y a même des moments... J'ai encore eu des petits effets « waouh » de temps à autre. D'accord. Et ça, c'est bien parce que dans la VR, c'est important de toujours en avoir. Et quand on est trop habitué, parfois, on les cherche un peu... on ne les trouve plus trop parce que c'est toujours un peu utilisé de la même manière dans les softs. Je dirais pas qu'on est blasé, mais on est, c'est qu'on est habitué. On est moins émerveillé. Voilà. Et là, il y, y a un passage en particulier avec une tornade, je dirais que ça. J'ai eu cet effet wow, vraiment ce passage dans, dans le casque, il est impressionnant et c'est pas mal fait. Ça fait envie. Donc, ouais, ça donne envie. Donc, c'est, à l'heure actuelle, ça va être un jeu qui va vraiment pas être facile à noter parce que ce qui va lui faire énormément baisser la note, c'est ses contrôles. Mmh. C'est ça qui est con, quelque part, parce que s'il y a une image pour changer ça, moi, si le test est sorti, est-ce qu'on va mettre à jour le test, je ne sais pas, mais ça, ça joue pas en sa faveur. Le problème, c'est la mise à jour des tests, des mises à jour, il y en a plein, et on n'a pas que ça à faire, donc en général... Bah voilà, c'est ça. Donc, pour être clair, ouais. En général, la première note, c'est souvent la dernière, quoi. Je comprends. C'est ça. Surtout que c'est un problème qui a été déjà relevé à l'époque des tests, justement, dans la Paris, comment c'était, PlayStation Experience, et ce genre de choses. Donc, Experience. Ouais. Et donc, pourquoi ils ne l'ont pas pris en compte, je ne sais pas. Un petit truc à rajouter quand même sur Immortal Legacy. Comment tu dis Tu peux le redire, Immortal, s'il te plaît, Immortal Legacy. Immortal Legacy. Legacy. Ah, pas mal. Il sera compatible avec le 3D Rudder, le jeu. Donc, tout à fait. D'accord. Ah, bah, peut-être pour les déplacements, justement, ça sera... Ça peut-être... bon, après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même mettre à jour pour ceux qui n'ont pas le 3D Rudder, mais bon, c'est officiel, ils en ont parlé sur Twitter, que le jeu serait compatible. Donc le 3D Rudder, qui est un contrôleur au pied, voilà, pour ceux qui ne savent pas et qui débarquent... Devait débarquer le 17 juin et qui apparemment est retardé un petit peu. Je ne sais plus à quelle date, dans un mois plus tard, je pense, ça ne doit pas être bien énorme. Ah, j'ai oublié un petit détail important, le jeu est sous-titré français, parce que je sais que ça bloque beaucoup de gens, ça. Donc vous pouvez profiter de l'histoire, voilà, c'est sous-titré français. Les voix sont anglaises, mais c'est sous-titré français. C'est pas systématique, alors ça fait toujours du bien quand ça arrive, ça c'est cool. Exactement. Ok, c'est tout pour Immortal Legacy. Legacy, je te le fais version. tu le fais version tour de magie d'Harry c'est Potter. Tout. Immortal Legacy. Et c'est il se joue voyard, qu'au PS Move, il faut le savoir aussi. Ah d'accord. Ok. Si vous n'avez pas de PS Move, soit vous en achetez, soit vous passez à un autre jeu. Soit vous achetez pas ça. Si vous n'avez pas de PSVR, mais vous avez les PS Move, ça marche pas non plus. C'est embêtant aussi. Alors, si vous avez PSVR mais pas la PS4, ça marche pas non plus. Ça devient compliqué ton histoire. Oula. Super transition, parce que moi je vais vous parler d'un jeu qui est jouable en plat, qui est jouable en PSVR, qui est jouable à la manette, qui est jouable avec le Move, qui est jouable magnifique avec ce que tu veux. C'est Falcon Age de Outer Loop, qui est sorti le 9 avril au prix de 19,99€, et qui a l'air plutôt pas mal en fait, de ce que j'en ai vu pour le moment. Je suis sur le test en ce moment, je ne l'ai pas terminé encore et je tiens vraiment à le terminer pour terminer mon écrit et mon test, mon avis dessus et en tout cas pour lui donner une note. C'est un jeu d'aventure, action-aventure, vu à la première personne, où on suit les aventures de Hara, qui est une jeune fille en fait qui va se découvrir le talent de fauconnière et découvrir donc un faucon en fait qu'elle va découvrir bébé, qu'elle va recueillir bébé et qu'elle va apprendre à maîtriser et apprivoiser dans un monde assez désertique, assez désolé, qui est contrôlé par une espèce de dictature, une grosse industrie en fait qui pompe toute l'énergie vitale de la planète, qui pille toute culture, qui ne respecte absolument rien, et donc les seules personnes qui sont sur cette planète sont soit opprimées, soit emprisonnés, soit font partie de la résistance. Y a un discours un petit peu écologique là-dedans. Et donc le but du jeu, donc, c'est d'avancer dans l'aventure, de découvrir un petit peu ce qu'on est, qu'est-ce qu'on faisait en prison et comment sauver la planète, hein, tout ce qui est le plus classique. Mais ce qui est intéressant justement, c'est l'espèce de connivence qu'il y a entre l'héroïne qu'on incarne et donc le faucon qu'on apprend à maîtriser au fur et à mesure, qu'on apprend à connaître et à utiliser justement dans les phases de combat, dans les phases de recherche, dans les phases d'exploration, dans les phases de chasse. Il y a une espèce de... Il y a un truc justement qu'on voit peut-être pas suffisamment en VR et que j'avais découvert et qui m'avait vraiment saisi dans la démo de Last Guardian. Je sais pas si vous aviez fait cette démo. Ah oui. Une complicité. La complicité et le fait d'avoir un animal en face de soi, tu vois, parce qu'avoir des humains, en général, c'est des cibles ou alors des PNJ que tu as qui bougent pas, ou alors voilà des cibles que tu défonces directement, mais t'as pas une sensation de vie, tu vois, derrière. Ce que j'avais vraiment ressenti dans Last Guardian. Ouais, il est vraiment vivant, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai retrouvé un petit peu justement dans Falcon Edge avec cet oiseau là qui a des mouvements, il y a une complicité en fait qui se crée au fur et à mesure de l'aventure. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très très rafraîchissant. Le jeu n'est pas parfait. Bon, il y a des petites composantes RPG dedans. C'est-à-dire qu'on va donc avoir des PNJ, récupérer des quêtes, on va devoir libérer des raffineries de cette espèce d'entreprise dégueulasse pour redonner un petit peu de vie à la région où on est. Il y a un système de combat qui est un peu bourrin, qui est pas... Une fois que tu as compris les mécaniques, en fait, tu vas t'aider de ton faucon, tu vas balancer des coups de fouet, tu vas pouvoir utiliser des bombes, plein de petites choses, mais c'est pas non plus... C'est pas extrêmement complexe à maîtriser, en tout cas, il n'y avait pas une grosse difficulté de ce côté-là. Mais voilà, t'as quand même la petite composante RPG, tu dois te donner donc des équipements à ton faucon pour pouvoir faire certains passages, combattre des ennemis qui vont évoluer au fur et à mesure. Des petits mini-jeux aussi de temps en temps. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là, beaucoup de choses à faire. Mais voilà, il n'est pas parfait. Il garde quand même une patte un petit peu, pas jeu amateur, mais voilà, jeu indé, mais un peu dans le mauvais sens du terme, quoi. Autant les animations du faucon sont super cool, l'interaction que t'as sont vraiment sympas, autant on sent qu'ils avaient plein d'idées, mais qu'ils vont pas au bout de leurs idées. Et donc c'est un peu dommage, quoi. Ça aurait pu donner un gameplay un peu plus organique, un peu moins synthétique. J'ai pas eu la chance de... Je l'ai pas testé celui-là. Par contre, il y a une question que je me pose depuis longtemps et peut-être que d'autres personnes se la posent. C'est un jeu de faucon. Est-ce qu'on vole avec... Est-ce qu'on a le vertige par moment, comme on a pu avoir dans Eagle Flight ou des choses comme ça? Alors, je pense que la jeune fille fait au bas mot, on va dire pour pas être impoli, 45 kilos. Je suis pas certain qu'un faucon arrive à soulever ça. Oui, mais au niveau du gameplay, il y a des moments où on puisse prendre la place du faucon, justement. Non. Pour voler, ça aurait été sympa, parce que finalement. Ça aurait pu être cool, ouais. Effectivement, mais c'est pas Eagle Flight. Non, non, là, t'es vraiment scotché au sol, alors à moins qu'il y ait une phase de gameplay, on sait jamais, à la fin oui, du jeu. Oui, peut-être plus tard. J'en sais absolument rien. C'est pas un spoil que je suis en train de faire, parce que j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, non, tu restes au sol, c'est un FPS classique. Ok. Tout ce qui est le plus classique. Mais donc voilà, c'est... Puis des fois les décors sont un petit peu vides, tu vois, les textures, c'est un petit peu comme Immortal Legacy. c'est voilà, les textures sont un peu baveuses de temps en temps. T'aurais pu dire Ark Park, c'est plus facile à dire. ou Ark Park, ouais, mais celui-là, j'ai même pas osé installer ce truc. Mais ouais, c'est un côté un petit peu cartoon dans les personnages et dans les décors. Mais ça n'empêche pas d'avoir quelque chose d'un peu d'un petit peu plus détaillé que ça, quoi. C'est quand même des gros aplats de textures très sommaires, très pastels. Donc voilà. Et il a tendance aussi un petit peu à ramer sur PS4 classique. Ah. Parce que je suis sur PS4 classique, sur PS4 Pro, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Il faudrait que j'en discute un petit peu avec l'ami Cyril. Mais voilà, des petites baisses de framerate. Et je crois, bien que c'est une des premières fois que j'en vois des aussi violents sur... Sur PS4, en tout cas sur PSVR. Oui, et puis surtout que... En plus, c'est étonnant, des baisses de framerate qui sont gênantes dans le casque, ça veut dire qu'on tombe en dessous des 60 FPS, là. C'est pas gênant, c'est visible. Mmh. Ça m'a jamais rendu malade. Mmh. T'as plein d'options. Ce qui est vraiment cool, par contre, c'est que t'as plein d'options, justement, dans le jeu pour éviter le motion sickness. Tu peux soit te déplacer en TP, soit te déplacer librement, rotation angulaire, rotation fluide. Y a tout qui a été pensé, ça, de ce côté-là, c'est vraiment super. Il y a un autre très très bon point dans ce type de jeu un petit peu narratif, en tout cas il y a un scénario qui est intéressant à suivre, c'est que c'est traduit aussi en français. Ah, cool. Les voix sont en anglais, et tous les menus et tous les sous-titres sont en français, et franchement ça fait plaisir. Ouais, surtout bien. Que tu as pas mal de dialogues et des choix de réponses aussi dans les réponses que tu peux donner. Et tout est en français, et c'est vraiment bien, quoi. Donc voilà, Falcon Age, il a l'air sympa. En tout cas, il est prometteur et j'attends quand même de le terminer avant de donner la note finale pour vous dire exactement ce qu'il en est. Nickel. Vous n'avez pas de questions ? Non, moi c'était juste savoir si on volait, mais tu vois, je suis déçu. Je crois pas. Ouais, je crois pas que je puisse voler. Il faudrait qu'ils sortent un espèce de mode où on peut voler dans un Assassin's Creed par exemple, quand il y a le mode survol avec le faucon. Ouais. Ah oui, mais avec Assassin's Creed en même temps en VR, t'aurais tellement de choses à faire. T'as déjà les escape games là, dans les pyramides à partir de Assassin's Creed Origin, mais tu pourrais aussi visiter les pyramides, tu vois, un commode touriste. Ouais. Ah oui, ça vient de la visite plus que du gameplay, quoi. Ouais. Le saut, le saut de l'ange là, dans les bottes de paille, ça doit être bien. Avec le ventilateur en dessous qui tenait. mais moi, je suis convaincu que le futur du jeu vidéo va se tourner vers ces jeux de plus en plus immersifs. Enfin. Ah, c'est ça. Oui. On a besoin d'avoir ces sensations là pour pouvoir se sentir au mieux immergé. C'est ça. C'est l'immersion, quoi. Et c'est pour ça qu'on aime ça d'ailleurs, hein, et qu'on est à fond dedans. Hein. C'est que ça apporte justement quelque chose qui commence un petit peu à nous manquer, je pense, dans le jeu vidéo. Dans le jeu classique, ouais. C'est quelque chose qu'on connaissait pas et qui maintenant qu'on y a goûté, je sais franchement, si on nous enlève la VR aujourd'hui, ça va être difficile de faire marche arrière maintenant, quoi, et de retourner sur un écran. C'est clair. Je pense que ça a de belles heures devant elle, quoi. Et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la PS5, c'est pour ça qu'on est vraiment joyeux que Sony ne lâche pas ça et qu'il propose la rétrocompatibilité du premier casque sur PS5. Ça veut dire c'est bon, on continue, on y croit et on y va. Si s'ils avaient juste rien annoncé, uniquement la PS5, et ils n'avaient pas du tout communiqué sur le casque, le prochain casque, t'es beaucoup à être déçu, je pense. Ouais. Eh ben merci en tout cas de nous avoir suivis. On remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Donc vous pouvez nous retrouver tout nouveau sur Deezer, sur Spotify et donc les plateformes habituelles, iTunes, PodCloud, YouTube aussi. Donc Laurent essaie de faire des montages sauvages pour pouvoir diffuser le podcast et on espère que ça vous plaît en tout cas. On remercie donc Maxime aussi et Thomas d'avoir accepté de venir à l'émission. C'est nous qui vous remercions, honnêtement. C'était vraiment super cool. Super, merci beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous donner des retours et puis à nous dire ce que vous en pensez, nous dire si Spondy c'est aussi cool que Fonzie. Deux fois que c'est la vanne. Hey. À l'avenir nous le dira, on espère. ouais, carrément. Et puis merci Sébastien. Eh ben de rien, merci à toi. Merci Laurent. Eh ben de rien aussi. Merci à tous. À bientôt. Et puis un gros bisou. Allez, ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, ciao. Allez. Et ben voilà. Tu coupes. Tu couperas là où j'ai trop parlé. Ah putain! ouais. Je pense en plus, je te voyais renchaîner sur le truc. Il y a tellement de choses à dire, tu peux pas me poser ces questions. Non, c'est ma faute. Hein.